c'est fou, les extrêmes, ça nous anime. C'est F O U 89 1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On écoutera les nouveautés musicales proposées par Simon Fitzbeat dans Fitzbeat. On recevra Véronique Mire qui nous éduquera dans la chronique du bureau de la réussite étudiante. Et Alexandre Carignan nous parlera d'art et spectacle dans son segment Le temps du futur. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, ce lundi 15 avril 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Bonjour, Jean-Philippe Charbonneau, ça va? Oui, ça va, toi? Oui! Fringant ce matin? Comme toujours. Comme toujours. Donc, bienvenue à une autre semaine d'Assemblage Requis. Que voulez-vous? Il y en a de même, une après l'autre. Hein? C'est 52 par année. Papa, Sammy Dreuil. OK. Ça, c'est une grenade. Ça explose dans oui. tes oreilles. Oh, mais ça. Donc, aujourd'hui, à l'émission à 7h30, Simon Fitzbeat sera là pour Fitzbeat. Et dans sa chronique musicale, cette semaine, il nous parle de The Knife et de Kurt Vile. Mm-hmm. Ça a l'air violent, c'est un couteau puis quelque chose de vil. Ouf. Couteau en ville. J'essaie de faire une joke avec Chambre en ville. Ça commençait par C. Quelque chose avec Pete, en tout cas. Ouais. À 8h, Véronique Mire sera là du bureau de la réussite étudiante. Peu importe le nombre de centaines de fois que je dis ça dans ma vie, ça va capable. Bureau de la réussite étudiante, c'est trop de syllabes. Là, voyons, non. On va faire des exercices de joue. J'ai pourtant fait des... Ce matin, non. T'as gargarisé avec du rince-bouche? Ah ben, Caroline, non, je fais pas ça. Je devrais faire ça. Non, je sais pas. Je crois que c'est un petit son qui ressemblait. Tu me recommandes ça? Un peu comme dans l'annonce de Melon Miel, je trouve ça. Et puis à 8h30, Alexandra Carignan et son segment Le temps d'une culture. Donc, on va parler d'art et spectacle, comme toujours. Elle qui est si frivole. Dans ce qu'elle aime. Et d'après moi, ça va être son dernier match à la lutte officiellement, puisque c'est la finale ce soir. Ben exactement, non, elle a terminé son dernier match de la semaine passée. Ouais. Parce qu'elle a. Non, t'as raison, elle a gagné. T'as raison. C'est vrai, c'est Alex Drouin qui a perdu. Ouais, c'est ça. Il y a tellement de monde qu'on connaît dans cette lutte-là qu'on sait plus où donner de la tête. Là. Mm-hmm. Mais oui, elle a gagné, donc elle va jouer ce soir à la finale et elle va nous en parler tantôt. Oui, voilà. Fort probablement. T'es fort. Sinon, on va débuter avec cet fait tantôt, comme on le fait le lundi matin. Voilà, c'est le plan d'émission d'aujourd'hui. C'est pas beau, ça? Je trouve ça comme ça. Et là, je suis en train de faire un signe d'impeccable. Impeccable ou encore impeccable. Bravo, pizzeria. Oui. Ou mon drain de douche, il est... Il est large de même. Il est large, ouais. C'est ça, pour parler du drain de douche. Ça peut montrer bien des choses. J'ai les ongles longs en tabarnouche, comme ça. Oh, mon Dieu. Wow, là, la fille. Et puis, j'ai un ongle noir encore. Ben oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ma blonde a fait des tests. Oh! Je l'ai pas enlevé. C'est beau, hein? Hey, on retourne un petit peu en arrière. À vendredi soir, je sais pas si tu te souviens quel groupe était en performance à Trois-Rivières. Ah ben, au Zenob, c'était Mauve. J'y étais! Eh non! Ouais, je suis allé. Ben, c'était bon? Oui, c'est très bon. Ils ont essayé un peu de nouveau matériel. C'est sympathique. Good. C'est sympathique. Beaucoup de monde. Ah oui? Mais c'est pas très grand, non. La salle d'en bas du Zenob. Trois personnes et c'est full. Et c'est full, mais non, c'était un bon spectacle. Est-ce qu'ils ont joué Motel Bonaparte? Oui. C'est leur nouveau succès du palmarès francophone. C'était comme ça. Impeccable. Ça, c'est un salami. Un salami. Ou c'est le haut de Mauve? Il n'y a pas de haut. Non. Whoops. Mauve. Whoops. Ah, je vais pas. J'ai eu zéro. Je vais faire comme si de rien n'était. Je suis gêné, là. Pas de problème, on devait faire allonger quelques dollars. Ouais, jusqu'à Récuichard, la liage, je tombe dans le char. Et un motel sur un mille, je ramène ma belle, tu vas voir. Motel sur un mille, au milieu des clochards de l'amour de son. se veulent au bistrot pour aller boire. Entends des anglos qui chantonnaient ma sweet love, y'en a un qui cherchait des bébés de vague, j'y en ai mis un emploi. Il circulait les mains au visage, puis il m'a dit je comprends pas, être à côté de moi. Viens tard qu'on part, direction Motel Bonaparte. Viens par qu'on part, direction Motel Bonaparte. Motel sur Amel, je te ramène ma belle, tu vas voir. Motel sur Amel, au milieu des clochards de l'amour de soir. Motel sur Amel, je te ramène ma belle, tu vas voir. Motel sur Amel, au milieu des clochards de l'amour de soir. Mauvais Motel Bonaparte. Là, il y a un haut dans Motel, par contre. Ben oui, je pense que j'ai louché. Comme ça. Tes yeux avaient l'air de ça. Cling! Excellent! Comme ça! C'était le zéro avec les petits doigts à zéro. Un lapin, je pourrais t'imiter un loup. Bon, on écoutera We Are Wolves. Dim ma radio. Oui! Oh! Wow! Tout ça, là. Tout ça, c'est vrai. Tu sais que c'est vrai? Hey, je sais que c'est pas faux. Donc, c'est un... Fait! Je pourrais m'essayer, Mathieu. C'est ça. Tu sais quoi, c'est un fait, même si c'est toi qui fais la chronique. C'est la chronique des faits véridiques, vérifiables. Il m'en manque tellement tout le temps. Véritable, man. Véritable. Véritable, man. Vérifié. Véritable. Non, ils ne sont pas vérifiés, ils sont vérifiables. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous voulez, chercher et peut-être trouver si c'est vrai ou si c'est faux. Uh-huh. C'est vérifiable. Vérifiable. Donc, commençons notre chronique, c'est un fait aujourd'hui, avec un bloc animalier. Merci de m'avoir laissé ma chance. Ben, t'as bien fait ça, je trouve. Tu préfères... OK, vas-y, nomme-moi un fait sur les animaux. Go! Les chiens ont quatre pattes s'ils sont en santé. Vrai. Puis ils sont bien, bien équipés, bien membrés. Ils ont une queue. Puis ils ont une queue. Fait que ça en fait six. C'est wow. Deux yeux. Mm-hmm, un bébé pieuvre. Ça naît de la grosseur d'une puce. Oh! Une petite puce. C'est petite main. Fait des mimes aujourd'hui à la radio. Petite main. C'est petit. C'est tout petit. 160 espèces de poissons sont découvertes à chaque année. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Je sais pas si une espèce de main. Un poulet a déjà vécu pendant 2 ans sans sa tête. Avec la hache, dans le fond, quelqu'un a manqué la veine jugulaire là, et a laissé assez d'embranchements de cerveau pour que le poulet puisse survivre. Hein? Deux, tu sais, petit poulet pas de tête, là. Ouais. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont fait comme « Aïe, aïe, bouge encore, on va voir combien de temps elle t'offre. » Ouais. Ça fait quand même une heure, hein? Oh, ouais. Hein? Ça fait une semaine? Ça fait un mois? Bon, on va le manger. Jusqu'à 2 ans, ben oui. On passe à un petit bloc vedette. Jennifer Lawrence, qu'on connaît de la série The Hunger Games, a auditionné pour le rôle de Bella Swan dans Twilight. Imagine comment le film aurait été bon. Ben, moi, je suis content qu'elle ait pas fait ça. Comment ça? Ben, parce que là... Elle serait devenue une petite une fatigante là, starlette à la... C'est qui la fille qui joue dans Twilight? À elle. Elle, là. Chose, là. Est-ce fatigant, ces potins-là? Ça a l'air qu'elle n'est plus capable de trouver rien d'autre, là. Parce que tout le monde fait comme, ben non, t'es la fille de Twilight. C'est exactement ça. Et ben, ouais, ben, je suis bien d'accord avec ça, parce que moi, je veux pas l'avoir dans rien d'autre. Voilà. Même si c'est bien bonne, j'imagine, je veux pas l'avoir. La top modèle la plus payée chez Victoria's Secret. Est-ce que tu sais c'est qui? Tu la connais, c'est une connue, là. Non. Gisèle. Ah, Gisèle. Gisèle Bonchain. À un certain point, là, elle se faisait 5 millions de dollars par année. Hein? Oh, oui, Gisèle Bonchain. Rivers Cuomo, tu connais? Non. C'est le chanteur ah, de Weezer. Ah, Weezer. Et oui. Fou, tu l'as presque eu avant moi. Donc, Weezer, oui, il a eu le nom de son groupe. Il l'a trouvé par rapport à un surnom qu'il avait quand il était jeune parce qu'il faisait de l'asthme. Oh. Weezer, c'est le bruit que ça fait quand tu... Ça whiz. Je vais mal faire ça. Donc, Weezer, ça whiz. Comme l'ancien Messenger. Whiz. Ça, c'est fatiguant. Pourquoi ça existait, ça, ces whiz-là? Ben oui. Lorsque Justin Bieber, Justin Bieber, était enfant, son église, d'accord, a ramassé de l'argent pour lui acheter un ensemble de batteries, un drum kit et 6 mois de leçons. Donc c'est à cause de la religion catholique qu'on a Justin Bieber. Bieber. Justin Bieber. Est-ce que tu penses qu'il a remis un peu d'argent à cette communauté? Ben, je sais pas, hein. Je sais pas, bonne question. Faudrait demander. Ben, tu sais, qu'est-ce qu'on dit, ces petits garçons, hein? Okay. Il leur a remis l'argent de sa pièce. D'une autre façon. Quatre sous pour être en gratuit. En 2011, le coureur belge Stefan Engels a couru un marathon par jour à chaque jour pendant un an. Il a couvert une distance de 2569 milles de distance. Ça utilise du maquillage noir en dessous des yeux au football. On passe à un bloc sport, hein, vous l'avez compris. Ça aide les joueurs à mieux voir. J'imagine une question de reflet de soleil. Ouais, comme l'armée. Comme l'armée. Voilà. Fallait que je dise ça. Oui, comme l'armée. Il y en a qui se mettent du Vicks en dessous du nez. Il y en a qui se mettent du noir en dessous des yeux. Ouais, chacun son truc. Voilà. J.D. McDuffie. McDuffie, hein, c'est toujours attirant comme nom. J.D. McDuffie a le record pour le plus de courses de NASCAR qu'il a fait sans gagner. Ah. Il a démarré 653 courses, mais n'en a pas gagné une seule. T'as un record. C'est quand même triste. Ouais, mais en même temps, t'as un record. Ouais. T'es dans les des records. Ouais. T'as gagné quelque chose. Ta famille est fière de toi. On parle de yo-yo maintenant. Le yo-yo, à l'origine, c'était une arme dans les Philippines. Est-ce que j'ai déjà dit ça là? Je pense que j'ai peut-être déjà dit. Bref, c'était une arme dans la jungle en Philippines. On passe au prochain. Il y a de la couverture 3G pour téléphone cellulaire au sommet du Mont Everest. Donc, tu pourrais potentiellement tweeter du sommet. Oh. J'aime bien le... Tweet from the top. Tweet from the top. Je trouve que ça sonne bien. C'est super. Ouais. La cénosilicaphobie. Qu'est-ce que c'est la cénosilicaphobie? C'est peut-être quelque chose que les étudiants ont des fois ici. Céno? Silico? Silica? Céno? De quoi ça? Ils ont peur de quoi? Ah, je sais pas. Je sais pas. C'est parce que t'avais la réponse. Ben oui. T'as dit qu'elle chantait. C'est la peur d'avoir un verre de bière vide devant soi. Mm-hmm. Remplissez. C'est comment remplissez ce maître d'hôtel. Oui, c'est ce que je ne saurais voir. que je ne saurais boire. Oh, là, ça va à la place. Le gouvernement suédois et le gouvernement finlandais, en fait, les deux gouvernements, paient aux étudiants de l'argent de poche. S'ils vont à l'école secondaire et à l'université. Mm-hmm. Bien, ça. Pourquoi pas? Ouais, d'argent pour boire la bière. C'est Nicolas Lafibi. Le premier tweet sur Twitter de tous les temps a été fait par un des fondateurs de Twitter, Jack Dorsey, qui disait le 21 mars 2006, « Ben, j'ai installé mon Twitter. Ah. » Hein? Twitter, dans le temps, qui s'appelait TWTR. Un peu comme tous les autres services Twitter. Web. Hein? Ouais. Twitter, qui n'ont pas de voyelles. C'est bien la mode, les Flickr et autres. Donc, le merveilleux Jack Dorsey, qui est vérifié d'ailleurs, hein? Il y a un petit crochet bleu à côté de son nom. Parce qu'il est vérifié, c'est le vrai Jack Dorsey. C'est le vrai. Pas un fake, hein? Ah, ben, il doit en avoir. Des Jack Dorsey, il y en a partout! J'en ai 28, comme dirait François Pérus. Ah, ok. Il y a environ 62 morceaux de Lego pour chaque personne sur Terre, si on a fait la moyenne, là. 62! Qu'est-ce que tu fais avec 62 morceaux de Lego? Pas grand-chose. Ben, tu fais une structure de maison. Le gazon. Oui. Si tu fais mal aux orteils quand tu piles dessus. Hein? Une coquerelle femelle. Donc, la femelle, la coquerelle, peut produire 2 millions d'enfants par année. Wesh! Ouh! Mouignon! Tu trompes, bloc Lego, coquerelle. Ah, ah, ah. Tu marches dessus. Les balles de ping-pong. OK. On grossit de 2 mm en l'an 2000. Pas à cause de l'évolution. Non. C'est pour rendre le sport plus regardable à la télé. 2 mm de plus de circonférence en 2000. Ça fait toute la différence. Mm-hmm. Tu sais qu'à RDS 3-4. Oui. Tu fais du ping-pong pour que ce soit visible, là. À côté des gars qui tirent sur des camions, des gars qui scient des arbres. Et le poker. Des grands sports. Les singes, en fait, les comment t'appelles ça, les, pas les gorilles, la famille de ça, les singes et tout ça, bref, les Great Apes, une sorte de singe, OK, qui va avoir une crise de la quarantaine, si on veut, même si pour eux, c'est pas la quarantaine, ce qu'on appelle en anglais midlife crisis, donc la crise de la moitié de ta vie, là, où leur bonheur subit un trou, d'accord? Ah! Donc, et c'est un peu comme les humains, ils vont avoir une genre de grosse tristesse, une grosse déprime au milieu de leur vie. Les Great Apes. Adam Rayner est le seul homme de l'histoire qui a été enregistré en tant que nain et en tant que géant dans sa vie. À l'âge de 18 ans, il faisait en dessous de 4 pieds. Okay? Et à 50 ans, il faisait 7 pieds 8. Oh shit. Oh shit, hein? C'est passé, il a mangé ses croûtes. Ben, Colin, il est fou. En tout cas, ouais. Fait peur, hein? Je sais pas ce qu'il a fait avec ses croûtes. Il y a 200 fois, j'essaie de trouver quelque chose à dire, mais ouais, j'ai rien à dire, aussi, clairement. Ça pas à lui. Il y a 200 fois plus de bactéries fécales sur une planche à découper dans la cuisine, la planche à découper moyenne, que sur un siège de toilette moyen. Plus de matière fécale, de bactéries. Ouais. Wesh. Ben, ça se comprend quand même bien. Tu mets tes foufounes sur le siège de toilette. À moins que tu saches pas viser. Ouais, là, il y a 200 fois plus sur la planche à découper. Qu'est-ce que tu fais avec ta planche à découper? C'est tes mains. T'as pas lavé tes mains, ça doit être ça. Richard Nixon, tu connais Richard Nixon? Oui. Qui utilisait un chauffeur, d'accord? En fait, donc, il était lui-même le chauffeur. Le chauffeur, là, on parle avec le petit chapeau noir, là, ouais. Fancy comme pour une limousine. Donc, il était le chauffeur de sa future femme lorsqu'elle sortait avec d'autres hommes parce qu'il voulait passer du temps avec elle. Oh, imagine, il reconduisait sa future femme puis sa date, le double. Il savait. Il savait qu'elle allait finir avec. Snappant. Dick Nixon. Une nouvelle tarantule a été découverte au Sri Lanka qui est la même grosseur que ta face. Happy lunchtime. Ouais. C'est blague du gars qui écrit ça sur Twitter. Ouais. Happy lunchtime, bon appétit. Ben, moi, tu sais, là, les grosses tarentules que les gens, ils se mettent sur le corps, là, ils sont comme wouhou. Ils sont moi, là, je capoterais. Moi, une araignée de grosseur moyenne, ça va, là, mais une grosse affaire poilue. Non. Une grosse affaire poilue, c'est non. Je veux pas ça sur mon corps. Calme. Hey, je juge pas les gens. Donc, il y a une nouvelle tarentule de la grosseur d'une face. Non, même ça fait un bon repas pour certaines personnes qui aiment manger ces affaires-là. En 2001, le collège Beaver College. Tu sais ce que ça veut dire, Beaver? Beaver, c'est une partie de l'anatomie féminine qui est... L'entregent. Wink, l'entregent. Donc, le Beaver College a changé son nom. Ils se sont renommés Arcadia. Surtout parce que les filtres anti-pornographie bloquaient l'accès au site web de l'école. Je sais pas si à l'intérieur même de l'école, tu peux pas aller voir le site parce que ça te dit Beaver College. Incroyable. Bon. La Pennsylvanie, oui. La Pennsylvanie est écrite incorrectement dans la Constitution américaine. C'est appelé Pennsylvanie, mais avec juste un N au début. Oh. Pennsylvanie. Oh! En haut des signatures. Oh, oh, oh. Non. Hein, fais attention. Les lendemains de veille coûtent aux compagnies américaines 148 milliards de dollars par année à cause du taux d'absentéisme et de la mauvaise performance au travail. Mm-hmm. On s'entend que lendemain de veille... Et c'est vite arrivé. Ah, on n'est jamais à l'abri d'un lendemain de veille. Ouais. Oh, oh. Protégez-vous. La somniphobie. Qu'est-ce que c'est la somniphobie? Est-ce que c'est devenir somnambule? Non. Avoir peur d'être somnambule. La peur de s'endormir. Oh. T'as peur de t'endormir. Il ne faudrait pas écouter Assemblage Ricky pendant cet effet ce matin. Ah, ben non, ça va bien. Okay. Les Canadiens mangent plus de beignes par personne que n'importe quel autre pays. Les Canadiens sont les plus grands mangeurs de beignes. Non, ben, je faisais... Tim Horton. Oui. Tim Horton? Oui. Tu veux que je leur dise? Oui. Oui. Hey, est-ce que je peux faire une parenthèse? Vas-y. Est-ce que si tu les colles ensemble, les parenthèses, ça fait une bang, fait que t'es correct. Ouais, mais moi, ça ressemble plus au trou au milieu, là, c'est de l'air, là, ce que je dis. Là. Okay. Ça va être du vent. Mais on est quand même chanceux. Ils sont quand même bons, leurs bangs chez Tim Hortons. Parce que, tout ça, pour faire une petite comparaison rapide, pas aucune publicité. Là, est loin de moi de vouloir faire ça. Dunkin'. Mais oui, je suis allé à un Dunkin' Donut récemment. Ça existe encore au Québec, ça? Ben, j'en ai trouvé un, oui. C'est quand je suis allé à New York, il y a eu ça un mois, je pense. Oui, on s'en rappelle. Je trouvais pas ça très bon. Non, mais. C'est très sec. Ouais, c'est comme, on dirait, du usine ou genre, je sais pas trop quoi, alors que Tim Hortons, c'est frais. Ouais. C'est vrai. En tout cas, bref, tout ça pour dire que. C'est peut-être à cause de ça. Ouais. Assez de pub. Ah, t'sais, justement, t'sais, on reparle souvent du débat, du combat entre la chasse-galerie et Tim Hortons à l'UQTR, parce que le Tim Hortons vient voler les parts de marché de la chasse-galerie, ce qui est tout à fait vrai. Le café est tellement meilleur à la chasse. Il doit y avoir des beignes à la chasse. Ah oui, là, ça serait pas prêt. Ah oui. Ferruccio Lamborghini a commencé dans la business des tracteurs, toi. T'es Lamborghini, le gars qui a créé les autos, le Lamborghini. Hein. Ben, il s'est rendu compte que ça coupait pas le gazon, hein. Ça allait trop vite. Le Cookie Monster, on parle de biscuits, le Cookie Monster. Avant de commencer à manger des biscuits, son nom était Sid. Sid Monster. Sid. Sid. Je vendrais un petit verre de Sid. Oh, Sid de pomme. tu sais, le best man, comment est-ce qu'on appelle ça lors d'un mariage, le best man? C'est le gars d'honneur. Le gars d'honneur, voilà. C'est comme disait les garçons d'honneur. Le gars d'honneur. Le dude d'honneur. Oui. Donc, une de ses premières tâches au best man, au garçon d'honneur, était de servir comme backup armé. Okay? C'est le genre de protecteur du mari, du futur marié, au cas où il devait kidnapper la femme. Parce que la femme, ça serait partie en plein milieu du mariage. Ah. Donc, le backup valait sauter sa femme. Ouais. Il était armé. Ouais. Incroyable. Le 14 avril 1865, Lincoln a été tiré. Okay. Il est mort le lendemain. Ouais. Le même jour, 14 avril en 1912, le Titanic a frappé un iceberg. Mm-hmm. Et puis, il a coulé le lendemain. Ouais. Oh! Qu'est-ce qui va arriver en 2012? Oh, c'est déjà passé! Oh, 2013! C'est 2012. Ouais. 14 avril. Ah, oh, non, mais je pensais c'est que hier. C'était... Ouais. C'est hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Je sais pas. C'était la fin de semaine, puis le lendemain, on s'est réveillé. Ah, oh, c'est ça. Puis on le regrette. Oh! Non, c'est pas vrai. Donc voilà pour les collègues, c'est un fait, chose véridique, véritable, vérifiable. VVV. Oui. 3V avec mes 3 doigts. OK. Ouais. Index majeur, l'autre doigt à côté. Oui. Puis excellenté de l'autre main. Ou encore peut-être excellenté avec les 3 doigts. Ah, oh, comme ça. C'est la chronique des Creevy. Creevy and an excellente symbol with my hand. Oui. Puis un loup. Bon. Oui. Voilà pour les mimes. Voilà pour cet un fait. Voilà. Superbe. J'ai appris. Radio. Oui. Oui. Good. Good. On s'en va entendre We Are Wolves. Yeah. Est-ce que tu te rappelles l'extrait qui est sur le palmarès anglophone, mon Jean-Philippe? C'est pas un nouveau, ça. Hein? Comment? C'est pas une nouvelle entrée. Je pense que c'est une nouvelle entrée, par exemple. C'est pas... C'est parce que... je l'ai écouté. Je l'ai écouté jeudi. Ouais. Justement, c'est les palmarès que tu animes d'une main de maître. Avec Stéphanie Paradis. Oui, puis ça va... C'est tellement passé vite. Comme une toile filante. C'est ça, Moving Fast. Moving Fast. Moving Fast, c'est le nom de la pièce, c'est bon. C'est vraiment drôle. Ah, j'essaye. Écoute, je fais mon petit bout de chemin. Ben, va-t'en. Ah, c'est vite. Vite. C'est un assemblage requis jusqu'à 9h. Oui, en direct des studios de Trois-Rivières. I'm We Are Wolves. Moving Fast. Au retour, on parle de musique avec Simon Fitbé. Yeah. Quelqu'un qui liche un CD. Ah! Oh, hey, il faut que je te compte de quoi après. Cool! Restez là. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 9h. Il est 7h29 minutes avant la pause. Jean-Philippe, tu nous disais que tu voulais nous raconter quelque chose. Oh, écoute, c'était juste pour que te titiller. OK. Non, c'est pas vrai. En fin de semaine, je suis allé à Québec. Oh. Et puis, qu'est-ce qu'il y a pas à Québec? Un Apple Store. Non. Non. Un marché aux puces. Ah, OK. Moi, ça m'excite un peu moins. Ouais. Non, mais c'est vraiment drôle. Écoute, d'ailleurs, je voulais apporter quelque chose à Simon Fitzbé qui s'en vient, lui qui aime les vinyles. Oui. Et puis, justement, au marché aux puces, on a trouvé comme la perle rare, un genre de truc qui vend juste des vinyles. Okay. Il va en avoir à peu près 1 milliard. Il y en a vraiment beaucoup. 1000 sabords. Il y en a vraiment beaucoup. On a passé 2 heures à regarder, puis on a fait à peu près un quart là, des vinyles. Wow. Sur place. Et puis j'ai trouvé des pièces, là, c'est du bonbon. Un groupe qui s'appelle Like a Virgin. OK. Les Touch of the First Time. Oui, non, mais c'est cocasse. Et puis, c'est un gag très visuel, mais j'ai quand même essayé de vous le compter ce matin à 7h32. Hein? Assez fou. Oui, oui. C'est 5 gars, tu sais, vraiment style rocker, cheveux longs, pantalons de cuir. Mm-hmm. Mais sur les 5, il y en a 4 qui sont debout. Et puis, ils en tiennent un dans leurs bras. Mais ce gars-là, il est comme déguisé en fille, il a des collants. Et puis, il y a une couille qui dépasse. Ça, c'est beau, c'est le cover du vinyle. Wow. Je l'ai acheté. Évidemment. Ben oui. Tu l'as pas amené. Non, ouais, écoute, non. Peut-être demain, je pourrais te l'amener. On pourrait le prendre en photo puis le mettre sur Assemblage requis. J'ai trouvé quelques trucs comme ça qui sont assez beaux. Génial. On a trouvé un vieux vinyle. Écoute, j'écoute trop pas Mitsu, là. On a vu un vinyle de Mitsu qui est autographié pour je sais plus qui. Là, mais... Autographié? Oui. Puis là, tu sais, pour Abeille Gilles. Oui, mais elle était très jolie, Mitsu. Ben, elle est encore. Oui, là, c'est une très belle femme. Mais... Ouais. Puis ça, là, c'est comme encore ses meilleurs temps qu'aujourd'hui. Ouais. En tout cas, bref. Puis qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? J'ai trouvé un vinyle de Passepartout que j'ai acheté. OK. Là, je suis en train de te dire des scoops parce que théoriquement, je voulais te les apporter. Un après l'autre. Ouais. Un après l'autre. Bam! On n'a plus de vinyle, on n'a plus de lecteur. À chaque fois que je dis lecteur de vinyle, je me fais reprendre. Tour de disque. Table tournante. J'ai aussi trouvé un vinyle de Bruce Willis. Qui chante. Non. Ouais. Tout ça pour la modique somme de 1$ pop tax. Et en tout, t'as payé combien de vinyle? C'était une valeur de 65$. J'ai payé 50. Oh! Pour à peu près 50 vinyles, je pense. Non. On en a acheté 40. Pour 50$. Ouais. C'est pas si pire. Il y a des bons vinyles, il y a des classiques. Là. Et tu commences dans le vinyle. Il faut que tu fasses un petit inventaire là, pour avoir de quoi écouter. Ouais, mais là, c'était vraiment... j'y allais pour le cocasse. Là. J'avais envie d'avoir des choses de faire comme... 50 pour une joke. Ça? Oui. Ah ouais, je trouve que c'est peu cher à payer pour le plaisir que j'ai à regarder ces covers-là. Tellement. C'est peut-être une joke un peu trop visuelle pour la radio, mais maudit que je trouve ça drôle. Hey, Bruce Willis qui chante. Bruce Willis, quel joke. Qu'est-ce qu'il fait pas, cet homme? Il sauve le monde dans tous ses films. Triple threat, là, ouais. Il fait tout dans la vie. Donc là, tu t'en vas dans une nouvelle maison, bientôt dans les prochains mois, tu vas avoir une nouvelle maison. Est-ce que tu vas te faire une pièce à vinyle, un mur à vinyle, une bibliothèque? Ah, on verra. On verra, hein? On verra. Mais que t'as quand même intérêt à se faire. On se fera une soirée Bruce Willis. Tellement. Un film de Bruce Willis, un vinyle de Bruce Willis. Ouais, pendant les pauses, tu sais, on écoutera le vinyle. Malade. Pendant les pauses. Mais les pauses entre deux films. Tu vois, OK, je pense que t'allais taper un film à genre prise 2. Ah. Je pourrais. Ah. C'est merveilleux. Oui. Donc, tu disais, Simon Fitzbé, un autre fan de vinyle, s'en vient avec Fitzbé dans quelques minutes. Mais avant ça, on écoute une autre pièce de Ra-Ra. Vous savez, Prairie Girl est dans le palmarès. J'ai envie d'entendre une autre. Et j'ai entendu le début de Heart and a Wife. Et ça me tente de l'entendre. Donc, la voici. Ça t'a fait quelque chose? Je serais bien raide. Assemblage requis. I used to have a guitar.

La drogue en moi. Rock Forest. Ça, c'est quand tu passes la frontière. Ouais. La drogue en moi. Dans le... Hein? Ah. Oh oui! Vous avez entendu Simon Fitzbé réagir de façon... Ah, come on, dès le matin, là. Ouais. C'est Fitzbeat. Bonjour Simon Fitzbé. Bonjour messieurs. Comment ça va? Ça va bien vous? Hey. Oui. On est en forme. tellement est en forme, on pète le feu. Parfait ça. Vous allez farting the fire. Me redonner de l'énergie parce que... T'en manques hein? Ouais un peu. Est-ce que c'est des pichenottes? Non. J'ai les onglons en plus, fait que... Non, ça va pas ici. Ok. C'est pas le fun. Non, ben ça réveille mal hein. Ça réveille très mal. Contrairement à la musique que tu vas nous faire entendre ce matin. Oui, ben, en espérant que ça vous réveille un peu et que ça vous mette peut-être dans un bon mood, on verra. Dans le bain. Se mettre dans le bain pour votre journée. Dans le bain pour cette journée. Alain, il dit dans le bain pour les éphémérides. Je sais. Dans le bain pour cette journée qui s'en vient, ouais. Pourquoi pas. Voilà. Donc, allons-y. Je voulais pas voler sa phrase. Non, c'est correct. Écoute, c'est une très bonne phrase déjà. Bon, on commence, oui, donc avec The Knife, qui a lancé un album le 9 avril dernier, c'est-à-dire mardi passé. Simplement. Oui, donc, c'est le grand retour de ce duo suédois légendaire avec l'album Shaking the Habitual. C'est le premier album en 7 ans de la formation, ce qui n'est même pas rien. Le dernier datait de 2006. On a repris un peu la même approche qu'Atoms for Peace, la formation de Tom York et Nigel Godrich, qui ont lancé un album au mois de février. Ils ont enregistré live, en fait, comme des genres de jam en retravaillant par la suite des heures et des heures d'enregistrement pour donner des pièces. Ça donne un rendu plus naturel du son. C'est un peu dépaysant quand on considère qu'ils avaient plutôt l'habitude de programmer minutieusement les sons et les pièces sur les œuvres précédentes. On est à des milles de la voix. Hey, avez-vous vu la finale de la voix? Non, ben, moi, j'ai pas vu, mais paraît que c'est bon. Paraît que la fille qui a gagné, elle est aux estacades. OK. C'est tout ce que je sais. Parce que j'ai pas écouté. Ouais. Wow. Moi, je l'ai écouté par défaut, parce que Karine l'écoute. Oui. Moi, je faisais mon travail à côté. Oui. La fille, elle a fait cégep en spectacle. Ah! Bon, ben quand même. Ben, hein? Ouais. Ouais. Elle a du cred. Ouais. Oui, de la street cred. Donc, oui, c'est ça. T'as des milles et des milles de ça. C'est un son quand même assez acerbe, assez difficile d'approche pour ceux qui sont pas familiers avec l'électro. Voilà, oui. Entre autres, on retrouve l'anarchie politique et sociale de la formation dans les pièces ainsi que dans les thèmes abordés. On parle de lutte de classe, de nationalisme, de socialisme. Comment de Margaret Thatcher, je trouve ça fit la sortie de l'album de The Knife. Le son est rafraîchissant. On sort des chantiers battus complètement avec ça. La production est intéressante. On sent pas trop de travail nécessairement de réalisation alors qu'il y en a eu probablement une tonne. Ce qui rend le tout encore plus organique, encore plus plaisant à entendre. Donc c'est un album quand même assez long, à 98 minutes, et un peu long par moment, c'est-à-dire qu'il peut avoir des longueurs en certaines pièces. Je pense entre autres à Old Dreams Waiting to be Realized, qui est une pièce qui dure 19 minutes, qui a été enregistrée dans une salle des chaudières. C'est assez particulier. Mais ça demande donc de la patience, mais à la longue, comme disait un des profs de musique classique, c'est tellement gratifiant quand on s'immerse dans la pièce. Ouais. Wow. Et donc, c'est un album à découvrir, franchement intéressant. C'est un son nouveau, un son incroyable, captivant, innovateur. Moi, j'aime beaucoup, mais je vais devoir écouter plusieurs fois avant d'être sûr que j'aime ça. Bon, The Knife, je pense que ça dit. C'est suédois, ça? C'est suédois. Je pensais qu'il a reçu l'ustensile, t'as la petite clé en L chez Ikea. Demain, ils ont un couteau aussi. Monter l'album. I need you. The Knife, la pièce s'appelle A Tooth for an Eye. C'est tiré de leur tout dernier album, Shaking the Habitual. Chasse habituelle, revient au galop. Au galop, c'est naturel. Pas en chasse, hein, on joue dedans. Cool. On joue dans chasse. Incroyable, on va essayer d'être bon. On fait notre possible. L'album est disponible sur le web. Vous pouvez le commander sur le site internet de la formation. En magasin, c'est un peu compliqué. J'ai parlé avec un commis d'une chaîne, d'une grande chaîne qui est à Trois-Rivières. Un communiste? Non, pas un communiste, un commis. Il est tellement capitaliste qu'il travaille dans une grande chaîne, justement, de magasins de disques. Et il anime aussi assez fou, donc c'est assez plaisant. Je pense que c'est de qui tu parles. Ouais, je pense que les gens vont faire de plus d'eux. Mais bref, ils ont même pas ça encore, de Knife. Ils ont genre commandé un album, mais ça vaut la peine de se l'acheter. Ouais. The Knife, voilà. Mm-hmm. Merveilleux. Maintenant, je vais vous parler de Kurt Vile, qui est complètement à 100 000 milles de The Knife. Probablement qu'il en écoute, mais ça, il copie pas, en tout cas, parce que c'est un genre de néo-hippie, ce type-là. Je le connais pas vraiment beaucoup. Il a lancé des EP, il a lancé des pièces sur Internet, mais son premier album s'intitule Walking on the Pretty Days. Il est sorti mardi dernier, le 9 avril, et son album est très, très bon. Pitchfork l'a nommé genre album de la semaine. Ben, pas album de la semaine, mais genre meilleur nouvel album. Oui. La journée après The Knife, parce que The Knife, c'est sûr qu'il allait avoir comme meilleur album sur Pitchfork. Là, son capote là-dessus. Mais Kurt Vile, c'est une belle découverte, en fait. C'est comme je disais, c'est un gars qui donne un peu plus dans l'indie pop. On taxe souvent indie, mais c'est le genre de pop rock, mais pas trop commercial. Le type est quand même une bonne connaissance musicale. Il rend hommage donc à toute cette musique-là qui a eu lieu dans les années, surtout dans les années 60. C'est un peu comme j'ai déjà parlé comme du néo-psychédélisme, là, les artistes qui enregistrent comme s'ils étaient dans les années 60. Bon, Kurt Vile, c'est un peu ça. Il a l'air d'un gars sorti des années 60. Franchement intéressant. Début trentaine, donc il va nous faire plusieurs autres albums. Sans plus tarder, je pense que ça vaudrait plus la peine d'aller entendre la pièce. La pièce s'appelle Never Run Away. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur son site internet, kurtvile.com. You had it on my day, you had it on. You had it on my day. Each morning we marry, it's just the most gorgeous of days. I know you'll never run away. You met a young man who was a wild child, who harmonizes keys in his droning mind. Saxophone singing from inside his head. I know you'll never run away. Je viens de le dire, la pièce s'appelle Never Run Away. C'est Kurt Vile. Et si vous voulez voir une vidéo intéressante de ce gars-là sur YouTube, on peut le voir sur son site kurtvile.com aussi. Il fait jouer cette pièce-là. T'as sa petite fille qui court partout, genre dans la pièce de musique. Là. C'est clairement la pièce de musique, parce qu'il y a tous ses vinyles, ses instruments. Et petite fille, elle danse, puis elle. C'est full cute. Est-ce qu'elle a le vinyle de Passe-Partout puis de comme non j'en fais pas acheter. Elle sait pas c'est quoi Passe-Partout. Ah, Passe-Partout. Goes everywhere. Moi, mon premier vinyle de Passe-Partout, j'ai trouvé dans mon premier appartement trifluvien, genre il était au-dessus d'une tablette, quelqu'un l'avait laissé. Ça c'est cool. Moi, je trouve ça vraiment malade comme histoire. Là. Ouais. Il y avait aussi la trame sonore de Love Story, mais ça, on s'en fout un peu. En vinyle? Ouais. Comment ça? Pourquoi? Je sais pas. Les douchebags n'ont pas de lecteur vinyle. Ben, c'est, je pense, nous autres, on se doutait que ça faisait pas si longtemps que ça, c'était là, mais c'est un bout que c'était là quand on est arrivé. Donc, on a entendu, comme tu disais, Kurt Vile. Avant ça, on a entendu une pièce de The Knife. The Knife. Tooth for an Eye. Et moi, Tooth for an Eye, je me demandais, c'est-tu Tooth for an Eye comme dans un œil contre une dent, du troc, mettons, ou encore. Une dent à la place de l'œil. Et finalement, je me rappelle d'un fait insolite de dans le temps, d'un gars qui s'était fait arranger une dent dans son œil parce que son œil, il pouvait pas voir quelque chose comme ça. Fait qu'ils ont comme fait un trou dans une dent pour tenir l'affaire. Mais si vous cherchez Tooth for an Eye dans les images sur Google, vous allez voir la chirurgie du gars qui a une dent à la place de l'œil. Pour vrai, c'est hot. Ben, slash dégueulasse. Ouais, c'est... Moi, j'écoute beaucoup de Walking Dead, la série télé de zombies, et je trouve ça dégueulasse même avec plusieurs Walking Dead derrière la caméra. Bon. Donc, merci Simon. Merci à vous. À la semaine prochaine, lundi 7h30. Je vous souhaite une bonne semaine. Vous entamez votre semaine. Ouais. Moi aussi. À moins que tu commences la semaine un dimanche comme certains calendriers. Non, je suis pas encore. Je suis plus sur le calendrier orthodoxe depuis une couple de mois. Là. Comme les périodes de paye. Oui. C'est cette semaine, ça? Ouais. Oui. Cool. Money. Donc, lundi 7h30, c'est la semaine prochaine qu'on te retrouve. Simon, pour l'instant, on écoute Groenland parce que tu le suggères et t'aimes ça, nous aussi. Ouais, je vais écouter l'album cette semaine. Ça fait un bout que, genre, ils ont fait de la publicité sur Facebook, des trucs comme ça, et là, j'attends de l'écouter, là. C'est une nouvelle entrée la semaine passée dans le palmarès. On entend la pièce The Things I've Done tout de suite à Assemblage. C'est un groupe montréalais, ça. Ouais. C'est bon. Mm-hmm. Pochette de fuck. Yes, there. La pièce The Things I've Done de Groenland, de formation montréalaise. Leur album s'appelle The Chase. C'est disponible depuis, je crois, mardi passé, si je me rappelle bien. Il me semble que c'était mardi passé. Oui. Ouais. Donc, c'est la fin de la première heure. On se retrouve tantôt avec, entre autres, la collègue de Véronique Mire du Bureau de la réussite étudiante. Oui, monsieur. Ça, quand je prends le temps de le dire, je suis capable. Hein? Oui, mais c'est mieux que ce matin. Merci beaucoup. Ben, ce matin, à 7h. Tantôt. Ouais. Ben, nous autres, le matin, c'est 7h. Ouais, exactement. Sinon, on est déjà dans l'après-midi. Ah, la journée est longue. Donc, Alexandra Carignan tantôt aussi pour sa chronique Le Temps du Futur. Et on va parler de zombies. Avec un zombie. Ouh, live en studio, un zombie. Yeah, on se croirait à Hollywood. Hollywood, you like to stay here, please. Pour l'instant, c'est l'info campus. C'est de l'anglais qui demandait si les gens restaient. Ouais. C'est tout. Les extrêmes de nos amis. C-F-O-U 89-1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis. On se lundi 15 avril 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Et Mathieu Plante. Oui, et puis 8h07. Le temps avance, le temps filme. Il nous reste encore tellement de choses. Il nous reste l'heure et spectacle. Il nous reste les zombies. Il nous reste juste 50 minutes. Je suis stressé. Je sais pas où je vais. Est-ce qu'on va rentrer dans notre temps? Hein? C'est un lien vers la chronique de Véronique Mire. Je suis stressé. Oh là! Ça voici. Paraît, t'as des spots de stress là, en dessous des bras. Oui, hein, apparemment, dans, selon les publicités d'anti-sudorifique, là, apparemment que la sueur de stress est pire et sent moins bon que le vrai sueur. Ah, oh. Fait qu'il faut acheter un clinical strength. Qu'ils disent, c'est n'importe quoi, cette affaire-là. N'importe quoi. J'avais passé là-dessus. Bonjour à toi, Véronique Mire. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Oui. Un mois? Un mois. Environ, ouais, pas mal exactement. On se remet de la folie du chocolat de Pâques. Oui. Ah. Arrête de vivre dans le passé. Ah là là là. Hey, j'ai mangé mon dernier chocolat de Pâques hier, t'es bon. Là. Ah oui? Ouais. Arrête de vivre dans le passé. Un petit lapin. Okay. Donc, on parle de la gestion du stress aujourd'hui. Et oui, tout ça pour vous préparer à l'invasion de zombies qui s'en vient un peu plus tard. À ce que j'ai compris et que j'ai vu. Oui. Quand même ça serait vraiment épeurant, hein, quand même, pour faire attention. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la gestion du stress. Dans un premier temps, on va comprendre, essayer de comprendre ce qu'est le stress. Puis, je vais vous donner quelques stratégies pour apprendre à bien gérer le tout. Donc, on va voir, ça dépend toujours de la vitesse à laquelle les choses évoluent. Hein. Donc, au pire, ce sera chronique en deux temps. Oh, trois mouvements. À suivre. Uh-huh. Et oui. Donc, d'abord... c'est impossible de complètement éliminer le stress. Hein. Ça, c'est important d'avoir ça en tête. Beaucoup de gens, quand ils savent la gestion du stress et tout, leur but, c'est de complètement l'éliminer de leur vie. Il faut avoir un petit stress parce que si tu n'as pas de stress du tout avant de faire quelque chose qui est supposé être stressant, c'est que tu es blasé. Oui. Tu vas botcher. Ben, c'est aussi que tu ne réagiras pas. Oui. Hein, quelqu'un qui traverse la rue puis il y a une voiture qui arrive à 70 km/h, qui n'est pas stressée, il va faire hein? Tandis que quelqu'un qui est un peu stressé, il va réagir, il va se tasser, il va courir, etc. Bon point. Donc, je vous réfère d'entrée de jeu à l'ouvrage de Sonia Lupien qui s'intitule « Par amour du stress ». Par amour du stress. Par amour du stress, elle ambitionne. Oui. Donc, elle, c'est une psychologue très connue au Québec qui travaille sur le stress. Elle a un site, toute sa théorie vient des mammouths de la préhistoire et tout, comme quoi, c'est parce qu'on a su réagir à ça qu'on est encore en vie aujourd'hui. Mmh. Donc, le stress nous garde en vie. Alors, je vais vous passer son petit vox pop qu'elle a fait. C'est pas là-dessus que ses études sont basées, évidemment, mais elle a fait un petit vox pop, entre autres, pour voir qu'est-ce que les gens en pensent. Alors, d'abord, savez-vous c'est quoi le stress? Juste oui ou non? Juste oui ou non? Non, parce que j'ai pas toute la définition, fait que non. Non, moi non plus. Non, pas du tout. Oui, mais là, le oui va sûrement enclencher quelque chose. Faut que tu répondes. Oui. Là, je stresse. Non. Pression. Qu'est-ce que tu penses que c'est? C'est un état. Moi, je dis qu'il y a le mot état à quelque part là-dedans. Ça a l'air vrai, oui. Mm-hmm. Non, c'est une réaction. Ça doit être une réaction du corps et du cerveau. Une situation externe, hors de notre contrôle. Ouais, ouh là là, ouais. Mais qu'on doit s'adapter. Qui cause de l'anxiété, qui permet l'adaptation du corps face à la situation. Ben, vous êtes quand même pas mal bon à deux. Hein? On belle, se complète. Yeah, top là! Ouais! Ben, t'as une bonne grosse partie de la réponse. Ben, c'est un vox pop, hein? Prenez pas ça. Soyez pas trop stressé. Non, j'ai eu raison. Mais c'est bien. Tu vas voir tantôt, je vais te donner d'autres éléments. Puis, à votre avis, la troisième question, c'était... Parce que la première, c'est « Savez-vous c'est quoi le stress? Ouais. » Oui ou non. La deuxième, c'est « C'est quoi? Mm-hmm. » Hein, donc, c'est à quoi tu... Vous avez bien répondu. Teamwork. Puis ensuite, parmi les enfants, les adultes ou les personnes âgées, à votre avis, lequel des trois groupes est le plus stressé? Adultes. Moi, je dirais les adultes. Oh. Pour qui? Puisque... Les enfants se foutent de tout, ils vivent dans le moment présent. T'as pas de responsabilité. C'est ça, exact, t'as pas de responsabilité. Et alors que les personnes âgées, le stress est derrière eux, ils ont travaillé toute leur vie, maintenant ils sont à la retraite, ils peuvent se permettre de relaxer et de vivre, tu sais, dangereusement. Mm-hmm. Ben, je suis très contente que vous répondiez cela, puisque je peux vous dire... Non, c'est les enfants! Et oui, ce serait les... Ben, en fait, c'est les trois groupes. Il n'y a pas nécessairement de groupe qui est plus stressé que les autres. Il y a qu'à penser aux enfants là, qui font devoirs, cours de natation, cours de karaté, cours de ci, cours de ça. Tu as un peu déterminé les âges des drillé, groupes. Là. Uh-huh. Ah, d'accord. Bon, les adultes, c'est sûr, avec toutes les responsabilités, mm-hmm. tout ce qu'il y a à faire. Les personnes âgées, ben, c'est la crainte de se retrouver seule, la maladie. Ouais. La mort. Et tout, qui est quand même une bonne cause de stress. Ouais. Donc, puis en fait, c'est aussi que les causes, hein, dont tu as parlé brièvement tantôt, Jean-Philippe, mm-hmm. du stress, sont aussi très importantes pour les trois groupes parce que le stress a beaucoup de conséquences, de répercussions sur le cerveau. Les enfants qui sont en plein développement intellectuel, leur cerveau est en plein développement, donc s'ils sont stressés, s'ils sont très stressés, ben ça retarde le développement. Les adultes, bon, ben on est dedans, là, donc ça a des répercussions, les répercussions que ça a. Pour les personnes âgées, ben puisque le cerveau est en déclin, si on veut. Décrépitude. Donc, ça accélère les choses. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'il faut faire attention au stress parce que ça accélère le vieillissement. Ah oui. Hein, on perd des années de vie. Les gens qui sont très, très, très stressés, là, ben c'est sûr, ils sont plus propices à avoir des crises cardiaques, etc. Mettez-vous au yoga, ça veut dire. Oui, il faut faire attention, somme toute. Mm. Donc, voilà pour le petit vox pop. Ben, très intéressant. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est le stress? Les gens pensent beaucoup que le stress, c'est une cause du temps. C'est causé par le manque de temps. Hein? On n'a pas assez de temps dans une journée pour tout faire. On manque toujours de temps. Mais il n'y a qu'à penser au rendez-vous chez le dentiste le jour d'un congé. C'est vrai. Il n'y en a pas de problème avec le temps, là. Mais on est stressé quand même. C'est vrai. Hein? Donc, le stress, ce n'est pas que le manque de temps. Alors, le stress a quatre caractéristiques. Puis, un événement ou une situation pour être stressante peut avoir soit une de ces caractéristiques à très forte dose ou plusieurs de ces caractéristiques. Mmh. Puis, vous allez voir, c'est vraiment génial comme façon de voir les choses. Toujours par Sonia Lupien. Donc, d'abord, tu as parlé de contrôle tantôt, Jean-Philippe. Alors, la première caractéristique, c'est le contrôle faible. Mmh. On ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est... On a peu de contrôle sur la situation, comme la fameuse rencontre avec le dentiste. Hein? On peut savoir qu'on a mal aux dents, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir vraiment et combien ça va nous coûter. Il y a ça aussi. Hein? Ou juste en général, quand tu dois te fier sur quelqu'un dans la vie et que tu n'as pas de contrôle sur cette personne-là, même si ça peut être juste genre un lift, n'importe quoi comme ça. Tu sais que tu vas avoir un lift, mais à quelle heure? Est-ce que ça va être correct? Bon, t'as pas moyen de le rejoindre. Exact. Il y en a beaucoup. Mmh. Ensuite, la deuxième caractéristique, c'est l'imprévisibilité. Mmh. Donc, imprévisible, souvent, ça va être comme une surprise. Par exemple, tu travailles le matin, ton patron rentre dans ton bureau. « Hey, j'aimerais ça te rencontrer dans 5 minutes. » Oh! Hein? Donc, imprévisible, on s'y attend pas. Les impôts. Tu sais pas combien tu vas devoir ou combien tu vas recevoir. Ça peut être contrôle faible, ça. Hein? Parce qu'on sait qu'on va être contrôlé par les impôts, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir comme conséquence. Le tirage de la poule aux œufs d'or. Imprévisible. Oui, voilà. La nouveauté aussi. Hein? Donc, quand on n'a jamais vécu quelque chose comme, par exemple, un nouvel emploi. Un déménagement. On ne sait pas. Hein? Mm. On a vu la place, mais est-ce que c'est vraiment aussi beau qu'on nous le dit? Oh là là, ça, c'est autre chose. N'embarquons pas dans ce sujet. Et la dernière, c'est égo menacé. Oh. Donc, l'égo, c'est la façon dont nous, on se perçoit, puis dont les autres nous perçoivent, comme quand on va passer une entrevue. Okay. Une entrevue. On a bien beau se dire, il faut que je me vende, je vais être au meilleur de mes capacités, mais on ne sait jamais comment l'autre personne va nous recevoir. Mm-hmm. Puis vous savez qu'il y en a qui sont là juste pour nous déstabiliser en entrevue. Hein? Des fois, quand on passe des entrevues face à 3 évaluateurs, puis il y en a un qui fait l'air bête policier, qui nous regarde. Bon. Mm-hmm. Donc, si on met ces 4 caractéristiques-là ensemble, contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté et égo menacé, ça nous fait un petit mot de 4 lettres. Et là, c'est plus stress, là, non? Non, c'est contrôle faible. Imprévisibilité. Ça fait C-I-N. Et c'était quoi le dernier? Égo. Égo, ciné. Ciné. Ciné. Ciné. Oh Crosby. Là! Ciné Crosby, bravo, Jean-Philippe. Ça en dit long, hein? Donc, le stress, en fait, c'est du ciné. Tu te fais des films. Du cinéma, des scénarios. C'est ça le problème avec le stress. C'est la machine à scénario qui embarque. C'est facile, ça. Quel genre de scénario que ça donne, hein? Catastrophe, drame, horreur, parfois. On sait pas trop à quoi s'attendre. Donc, c'est la machine qui embarque le petit hamster. Qui nous produit toutes sortes de pensées stressantes. Donc, quand on se dit, c'est ça le problème, c'est que ça déraille. Mm-hmm. Hein? On pourrait se faire un scénario comique ou un beau scénario avec tout ça. À l'eau de rose. Mais on le laisse aller, on prend le contrôle, puis ça devient dramatique, horreur, etc. Ouais. Donc, le stress, hein, c'est déstabilisant. On ne sait pas ce qui va arriver. Il n'y a pas que du mauvais stress, comme on l'a dit d'entrée de jeu. Il y en a du bon aussi, qui nous pousse à réagir, qui donne de l'adrénaline, etc. Le problème avec le stress, c'est quand on est stressé longtemps ou souvent. Donc, quand c'est chronique. Alors, sur ces belles paroles, on va aller écouter une petite tonne pour se relaxer. Oui. Hein? On écoute du Rouge Pompier. Ouh. Ah, ça va nous relaxer. Voici Château de Sable, parce que là, il faudra pas que quelqu'un pile dessus, ça va me stresser. Château de sable à Assemblage Requis. C'est toujours la chronique du Bureau de la réussite étudiante avec Véronique Mire. Eh oui! Et nous parlons de... Stress. Stress à la haute. Et voilà. On se prépare à accueillir les zombies. Alors, comme on le disait avant de partir vers cette merveilleuse pause musicale, donc le stress, en fait, c'est du ciné. Hein? Donc, la machine à scénario qui embarque et qui déraille. C'est ça, le problème. Mm-hmm. Et il ne faut pas penser qu'on peut complètement éliminer le stress. En fait, il ne faut pas le vouloir non plus parce que c'est ce qui fait qu'on peut réagir à toutes sortes de situations. Le problème, c'est quand on est toujours stressé. C'est sûr. Ouais. Donc, le stress, tantôt, quand j'ai demandé c'est quoi le stress, à Jean-Philippe, il a parlé de toutes sortes de conséquences qu'on pouvait avoir. Hein, donc, physique, psychologique, physique, maux de tête, maux de ventre, maux de dos, les mains moites, des fois même la vision qui devient floue. La transpiration abondante, on a fait une petite pub tantôt aussi pour... Oui, la puanteur de la sueur de stress, qui est tellement pire que les autres. Et puis la tension musculaire, il y a juste à y penser quand vous êtes stressé. Hein. Est-ce que je suis stressé? Bon. Tu shakes. Est-ce qu'on tremble un peu? Des fois, on a les épaules remontées par en haut. On est vraiment tendu. Donc, c'est un premier signe. Mais il y a aussi les répercussions psychologiques, c'est sûr, hein, comme l'anxiété, les troubles de sommeil, d'alimentation... La perte de confiance en soi, éventuellement. Donc, vraiment, là, le stress négatif a vraiment de très mauvaises conséquences. Donc, il faut faire attention. Puis, au niveau intellectuel, donc, pour les étudiants, parce qu'après tout, cette chronique s'adresse principalement aux étudiants, bien, le stress affecte d'abord l'attention sélective. Donc, notre capacité à être capable de faire plusieurs choses en même temps. Quand on est très stressé, des fois, on s'en rend pas compte. Puis, des fois, il y en a qui le nient. Aussi, hein, ils disent, oh, je suis pas stressée. On vit dans le déni, ouais. Ou je suis pas stressée, mais je dors mal ces temps-ci. Je suis pas stressée, j'ai mal au dos. Ouais, OK, t'es pas stressée, mais t'as toutes les causes, accepte les conséquences. Le don, là, donc, quand on arrive pour étudier, ben, on n'est pas capable de se concentrer parce que le stress est trop présent. Donc, maintenant qu'on connaît tout ça, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça l'affaire. C'est ça qu'on veut savoir. Donc, il y a ce qu'on appelle des quick fix. Les quick fix, c'est des trucs qui fonctionnent rapidement, qui ont une conséquence instantanée, coup de poing. Mais à long terme, c'est pas ça qui va faire que ça va changer les choses. Ouais. Par contre, si on a une entrevue à passer, un exposé oral à faire, les quick fix, c'est génial. Ben, le premier qui existe, c'est la respiration complète, ce qu'on appelle aussi la respiration bedaine. Respirer profondément. Donc, on inspire, mais plus que d'habitude. Puis là, il faut gonfler son ventre. Parce que en fait, quand on est stressé, le corps sécrète des hormones qui se ramassent au niveau du ventre, donc de l'abdomen. Et puis là, c'est le diaphragme qui est contracté. Ce qui fait que vous avez juste à penser à des gens très stressés là, qui font un exposé oral, ou même ici, ça doit arriver des fois, des gens stressés. La voix tremble. Oui. Ils sont essoufflés, ils cherchent leur souffle. Donc ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'hormones de stress qui sont sécrétées, qui fait que le diaphragme est contracté. Donc, les poumons hein, ont moins de place pour prendre de l'expansion. Donc, le fait de respirer profondément, gonfler le ventre, en fait, c'est pour remplir complètement les poumons. On retient notre souffle peut-être 3 ou 4 secondes, puis on expire longtemps. Ça a un effet vraiment coup de poing là, pour ceux qui font de l'insomnie. Vous faites 4-5 respirations comme ça, là, puis ça détend. Donc, c'est vraiment... ça se fait très bien. Hein? Pendant un examen, on est stressé, bon, ben on prend 3 ou 4 respirations. C'est sûr que là, si vous respirez, puis que vous dites... Je suis stressée. Mais là, c'est pas mieux. Hein? Donc, il faut trouver le moyen de penser à d'autres choses, de se dire, bon, ben là, je me calme, là, ça va faire, on se parle, en fait. Hein? Parce que si on respire bien, bien fort, mais qu'on continue à penser à tout ce qui nous stresse, c'est pas d'avance. Donc, c'est le premier quick fix. Ensuite, vous avez rire et sourire. Moi, je les aime beaucoup, ceux-là. Donc, parce que le cerveau, oui, c'est une belle petite machine, bien rodée, mais facilement piégeable. Elle est dupe. Facilement piégeable. Donc, par exemple, si on rit, on sourit, notre cerveau se dit « Hey! Elle rit, elle sourit. » Ça va bien. Elle va bien. Hein? Elle est heureuse. Colin, c'est l'imbécile heureux. Voilà. Ben, si ça marche avec lui, hein? Donc, super. Donc, c'est en fait de provoquer le rire ou le sourire gratuit. Puis, à force de faire, ben, ça vient naturellement, hein, parce que là, on se trouve un peu niaiseux. Donc, on rit, on sourit réellement. Et puis, ça a un effet aussi instantané, le cerveau se calme. Donc, ça, c'est effet à court terme. Des effets à long terme. Donc, vous avez d'abord un jour, qu'est-ce que je dis là? Véronique, calme-toi. Alors, une heure par jour, seule, sans stimulation. Il y en a qui vont faire ça en allant marcher, hein, promener le chien ou juste marcher, en faisant du sport. Ou en prenant un bon bain ou quelque chose comme ça. Donc, une heure par jour, seule, sans stimulation, tous les éléments dans votre tête qui vous stressent vont ressurgir par ordre d'importance. Donc, le problème avec le stress, on l'a vu tantôt, c'est la machine à scénario, à ciné qui embarque, mais on n'a plus le doigt dessus. On ne sait plus pourquoi je stresse de même, c'est quoi qui se passe, on n'a plus de contrôle. Donc, juste le fait de s'arrêter et de se dire « c'est quoi le problème? » Déjà, ça nous calme parce qu'on a mis le doigt dessus puis on dit « wow, là, ça va faire, arrête de capoter ». Donc, une heure par jour seule sans stimulation, c'est la première étape. Ensuite, déconstruire et reconstruire le stress. Donc là, on a pris conscience de c'est quoi le problème. C'est pas tout là, de faire ça, mais il faut se dire ben, pourquoi ça me stresse ça? C'est quoi le problème avec cet élément-là? Hein? Ça peut être vraiment n'importe quoi. Là. Ça peut être banal des fois, mais ça prend des proportions exagérées. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc, c'est quoi mes solutions? Les solutions, des fois, on les a pas tout seul. On peut demander à quelqu'un un conseil à un ami ou des fois, ça va être quelqu'un de l'extérieur là, qui aurait une vision autre. Puis, ben ensuite, c'est de passer à l'action. Ouais. Hein? Donc, moi, c'est ça que je dis à mes étudiants dans mes cours. D'abord, t'es stressé. OK, c'est quoi le problème? Première affaire, c'est quoi ton problème? Pourquoi ça te stresse? Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Est-ce que tu peux faire quelque chose? Hein, puis fais-le. Et fais-le. Si tu peux rien faire, ben passe à autre chose, arrête d'y penser. Ben c'est J'imagine. Ça. Des fois, il faut fuir aussi. Oui. Hein, c'est ça que des fois, ça nous garde en vie. Si on ne peut pas le faire maintenant, ben là, coudonc, il faut se dire, bon, mais c'est quand que je vais pouvoir faire quelque chose, par contre? Mmh. Parce que si on fuit toujours, malheureusement, ça revient. Donc, évidemment, bon, faire du sport, on en parle énormément. Next! Oh, c'est pas un bon sujet! Faire du sport, ça aide juste à aller marcher, faire du yoga, on l'a vu tantôt. Quelque chose que les étudiants aiment beaucoup, la séance de chiolage. Ah, ça c'est le fun! Ah oui, ça c'est... Ben, tout le monde connaît ça, mais bon, moi, je l'ai nommé ainsi. Donc, c'est mon copyright. Séance de chiolage. Donc, le matin... ou peu importe, là, au moment de la journée oui. où ça vous convient, puis vous prenez une bonne demi-heure, puis vous chialez ou vous tapez sur quelque chose, pas sur quelqu'un, sur okay. quelque chose. Faire dans tes mains, pas sur le voisin, comme disait... Ouais, c'est Blanc. Ça, c'est ça. Vraiment pour lâcher son fou, là, ou il y en a qui vont vraiment chialer, là, oh, là ça n'a pas d'allure, t'as la fin, nanana. Ça, c'est fatigant pour la personne qui doit recevoir le chialage par moment, par contre. Ben, c'est plutôt celle... qu'il okay. faut oh, faire qu'avec oh. quelqu'un. Ah. Donc, tu vois, moi, c'était pas ce que j'avais compris de ça. Séance de chialage seule. Okay. Non, pas une séance de chialage en groupe, là. Okay. Seule. Puis justement, tu m'ouvres la porte. Réseau social, très important, réseau social. Il faut que vous ayez une personne dans votre entourage que quand ça va mal, là, elle va pas vous dire « Ah, oh, pauvre toi. Oui. » Moi non plus, ça va pas bien ces temps-ci. Je te comprends donc. Là, déprime. Déprime collective. Déprime. Ouais. Et ça, hein, c'est donc bien efficace. Donc, il faut avoir de temps. Puis sachez que ça sert à rien de juste aller sur Facebook, mettre un statut genre « Ah, la vie me fait chier. » Mais oui. Personne comprend ce que ça veut dire. Puis ça ne soulage pas en tout. T'as des j'aime. Pourquoi oui, t'as des j'aime? Mais j'en veux pas des j'aime, Caroline, ça va mal. Bon. J'haïs. J'haïs. Puis il y a personne qui ose dire « Ah, cause. » Ouais. D'un coup, que ça c'est soit gênant. Ben oui. Tu veux pas t'embarquer là-dedans. Ben non, tu veux pas le savoir. On a chacun nos problèmes. Donc, ça te prend quelqu'un dans ton entourage que quand ça va mal, il va te dire « Là, là, écoute bien, là. » T'es bon, là, t'es capable, ça va bien aller. Hein? T'es bon, t'es fine, t'es capable, là, tout ça. Fonce. Mais qui va vous dire ça dans des mots qui vont vous parler parce que c'est quelqu'un que vous aimez puis qu'il y a un en qui vous avez confiance, ouais. Ouais. À part ça, une attitude positive. Moi, je travaille beaucoup là-dessus avec mes étudiants. Toute la différence entre une épreuve et une expérience. Ah. Hein? Le fait de se dire, coudon, oh, c'est pénible, c'est dur, nanana. Bon, ben, coudon, moi, OK, ça va être dur puis tout ça. Mais la prochaine fois que ça va arriver, ou si j'ai à en parler à quelqu'un, ben, je vais avoir retiré quelque chose de tout ça. Donc, c'est positif. La différence entre subir et agir aussi. Hein, donc, moi, là, je donne un cours hein, obligatoire. Oh. Réussir ses études. Les étudiants en sciences comptables, en administration, sont obligés de faire le cours quand ils n'ont pas des bonnes notes. Mais s'ils passent la session à se dire « Je suis obligé d'être ici, ça va être plate. » Ouais. Ben nous, en tout cas, moi, dans mes cours, ça, c'est éliminé d'entrée de jeu, puis on a du fun. Mais si tu passes ta session à te dire « Ah, je suis obligé d'être ici. » Le temps est long. Ben, c'est ça qui est ça. Hein? Donc, pourquoi pas en profiter. Ensuite, déléguer. Hein? Ça, c'est pas évident. Ben, c'est pas toujours évident parce que la job est pas tout le temps aussi bien non, faite. Non, on fait pas toujours confiance, mais à force de déléguer, on est capable de dire à quoi on s'attend, qu'est-ce qu'on veut, parce que c'est pas juste de dire à l'autre « Je veux que tu fasses ça. » C'est comment. Puis toi, tu t'attends à quoi? Puis là, c'est sûr que si tu délègues, ben ça sera jamais aussi bien jamais. Fait. Bon, moi, c'est pas entre tes mains, c'est pas ta faute. Voilà. Faut que tu dises ça. C'est ça. De base, les gens qui savent qu'ils sont stressés, là, puis ils ont toujours le méga giga café dans les mains. Ça aide pas, hein, le cœur. Ou le Monster Drink là, à côté. Ben déjà, ça aide pas. Hein, donc, puis ultimement, ben consulter. Oui. Si vous êtes beaucoup, beaucoup trop stressé, vous ne dormez plus, ça va vraiment mal. À un moment donné, ben, quand on a épuisé nos limites, mais je vous dirais que la base, là, c'est vraiment de prendre conscience de c'est quoi le problème, pourquoi ça me stresse ça, déjà. Vous arrêtez le petit hamster, là. Il va arrêter de tourner dans le vide parce qu'il ne sait plus pourquoi il tourne, de toute façon. Donc, puis aussi, ben, c'est d'avoir une bonne attitude. Il n'y a jamais... tout ce que vous vivez qui vous stresse en ce moment, là, ça va pas être comme ça toute votre vie. Là. Non. Donc, il faut se dire, à un moment donné, ça va faire. Écoutez-moi, là. Ça va faire. Enough. Enough. On retient ça, on retient le « ça va faire ». Ça va faire. L'accent qui fait bien, là. Ça va faire. Non, non, ça, c'est l'accent rodonnier. Rodon. Oh, et voilà. Excusez-moi, madame Rodon. Ça frappe encore plus. Donc, on parle encore de stress dans deux semaines, si j'ai bien compris. Ben là, on a pas mal fait le tour. On a fait le tour. Mais si ça vous stresse et vous avez des questions, on pourra revenir. Colin. Moi, je suis détendu. On est bon. On est très, très bon. Je me sens tout gigolo. Gigolo. Je vais te mettre dans ma serrure. Oh, on passe à un autre appel. Ça rentrera pas. Merci, Yannick Mire, à l'heure de deux semaines. Ça me fait plaisir. Au revoir. Donc, ça va être le 29 avril le prochain. Dans quelques minutes, on parle de zombies avec, entre autres, Éric Paul-Parent et Maxime Tanguay. Je ne sais pas si les deux vont nous parler, mais je sais qu'ils sont tous les deux là. Ouais. Ben, je sais pas si tu vas être capable de parler. Maxime Tanguay est méconnaissable. Oui, ben, on n'est pas proche de ne pas le reconnaître tantôt, n'est-ce pas? Si il est mort, il est mort. Maxime Tanguay est mort! Putain spécial, pas dans deux périodes cet après-midi? Oh, oh. Tu vas attendre de se démaquiller d'ici là. Vas-tu animer en zombie? Ben, moi, je pense qu'on peut y mettre un défi. Ouh! Est-ce qu'il va jouer son match aussi en zombie? Ça, c'est très drôle. Mais c'est, je pense c'est la grosse finale droit. Ce soir. Hein? Faut que toutes tes roses soient des zombies à chaque impro. Ouais, tout le temps zombie. Ça va être bizarre. Donc, on leur parle de trucs de zombies tantôt. Et après ça, Alexandra Carignan et le temps d'une culture. Pour l'instant, ben, on prend une petite pause. C'est là. Les extrêmes, ça nous anime. CFO 89. Le plan de demain à assemblage requis. Michel Lebrun nous parlera du système judiciaire dans son segment Panier à salade. On écoutera attentivement les sélections musicales de Kiwan Caval en direct de l'Alberta. On accueillera notre nouvelle chroniqueuse Marie-Laurence Audet de l'Observatoire québécois du loisir. C'est demain, 7h. Mardi. Mardi. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Sifu, vous écoutez Assemblage requis et vous aimez ça. Il est 8h34 en ce lundi matin du 15 avril. Jean-Philippe Charbonneau toujours là. Mathieu Plante aussi. Oui, et là, attention, ça fait peur. Bon, on a un zombie en studio. Ben oui, qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? Ouais, ça a l'air dur à vivre, tout ça. Hein? C'est... Bonne réponse. Très bonne réponse. Moi, j'accepte cette réponse. Je pense qu'il y a raccroché. Donc, Éric Paul Parent, bonjour à toi. Rebonjour. En fait, c'est la deuxième fois qu'on te reçoit. Oui, c'est un plaisir d'être de retour à C'est fou. Génial, génial. Éric Paul Parent, ou donc l'enfant, comme on avait dit l'autre fois. Oui. Tu t'en rappelles, c'est de la glace de ce souhait. Tout à fait. Je l'avais encore d'ailleurs. Oui, j'imagine. notre ami Maxime Tanguay, qu'on connaît de l'émission En deux périodes, les lundis après-midi. C'est lui qui joue le rôle du zombie aujourd'hui, donc il va pouvoir nous parler un petit peu de son rôle. Pas de réponse, tout à fait. Donc, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? On arrive comme ça avec un zombie en studio, on a peur, tout le monde tremble, mais c'est pour annoncer un événement qui s'en vient. C'est en plein ça, en fait, c'est l'épisode 7 de notre série Zombie. Alors, c'est une immersion, c'est... En deux mots, là, vous êtes dans un jeu vidéo d'action, de zombies, et puis vous faites votre cardio en sauvant votre peau. Alors, genre de Resident Evil. Oui, c'est ça, ou Walking Dead. Ouais. C'est très populaire, les zombies, ces temps-ci. Alors, ça se passe samedi aux Estacades. L'arrivée se fait à partir de 5 heures. Ça commence à 7 heures, ça finit à 10 heures. Donc, un 3 heures intense, là, de, c'est ça. Viens sauver ta peau. Ouais. Oh. Donc, là, les Estacades, la place est réservée pour ça. J'imagine que c'est organisé pour, c'est décoré. Oui, ben en fait, non, on décore pas vraiment. On modifie un peu, mais nous, on joue avec... Ben, vous le voyez, là. Bon, les gens à la maison ne le voient pas, mais ils l'entendent. Est-ce qu'on le prend en photo, Jean-Philippe? Oui, ça sera mis sur Assemblage Requis. Donc, nos effets chez Roll, on les veut de qualité cinématographique, parce qu'on veut que tous les sens des participants fassent « Hey, ce qui se passe, c'est vrai. » C'est un vrai sens. Donc, quand on loue les estacades, ça se passe aux estacades. Ouais. Fait que c'est encore plus réaliste, encore plus facile d'embarquer. Donc, on fait pas des gros décors, mais on crée une grosse ambiance, par exemple. Ouais. Et t'arrives là, t'as des armes à J'imagine de pouvoir la te procurer. Oui, c'est ça. On a vu ici. On a deux exemples ici. Ouais. Là, c'est des pistolets Nerf qui sont décorés pour avoir l'air quand même réaliste. Ouais. ou encore des armes en mousse injectée. Il y a des gens qui s'en fabriquent eux-mêmes. Il y a un groupe, par exemple, qui ont fait un mariage. Ben, en fait, leur groupe, c'était un mariage. Donc, la mariée avait un magnum, grosse bouteille de champagne en mousse qu'elle s'était fabriquée. Puis les mariachis avaient une trompette, des maracas puis une guitare. Donc, eux, ils se défendaient avec ça. Alors, les gens apportent leurs armes ou, s'ils n'en ont pas ou si c'est la première fois, ben, on en loue aussi là, pour un petit 5 piastres. Pas cher, pas cher. Voilà. Et donc, tu parlais de Hero, là, qui est la compagnie derrière tout ça. Vous organisez plusieurs événements. On peut se renseigner sur votre site web. Qu'est-ce que vous offrez d'autre comme activité? Mon Dieu, qu'est-ce qu'on n'offre pas, en fait? Ouais. C'est-à-dire que, ben, nous, on produit des immersions, mais là, c'est toutes sortes de thématiques. Donc, il y a CSI, si les gens aiment les enquêtes policières. Ouais. On a l'Institut de l'Occulte, qui est un camp un peu à la Harry Potter, un peu à la X-Men. Donc, où les gens qui ont des pouvoirs magiques viennent. C'est une aventure familiale d'une journée qui se passe au parc de l'île de Melville. On a, bien évidemment, l'Halloween à la vieille prison qui revient encore cette année. On a un nouveau jeu qui s'appelle Gangster qui va être lancé là, d'ici quelques semaines. Cool. Où si t'as envie d'être dans le crime organisé, sans les conséquences fâcheuses. Un peu comme le jeu de société, Gangster. Oui, sauf qu'encore une fois, c'est dans la réalité. Oui, c'est ça. C'est dans la réalité. Ah, donc, tu as ton gang, tu sais, les autres personnes qui jouent, tu sais pas c'est qui. Tu as des colis, tu les écoules, tu fais de l'argent, tu achètes des contrats sur la vie des autres. Donc, c'est ça. C'est, tu peux te faire attaquer n'importe quand pour. Tu sais, il faut que tu puisses te cacher. Là. Toujours pas de Mario Bros hein, dans vos affaires que vous avez. pas encore. Non, ça sent bien. Pas encore. Ouais. Donc, c'est ça, c'est Hero qui organise ça. Et là, justement, on parlait tantôt du fait que les zombies sont très à la mode. Ça doit vraiment vous aider parce que d'habitude, l'Halloween doit être pas mal de votre grosse période. Mais là, ah, avec les zombies, ça doit être vraiment encore plus à l'année longue. Ben écoute, c'est rendu, là, on s'attend à avoir à peu près 300 personnes. Quand même. Donc, et quand ça a commencé il y a 2 ans seulement, c'est le 7e épisode, là. Fait que ça fait pas si longtemps que ça que ça roule. On avait commencé avec une 50aine. Donc, ça croît de manière exponentielle. Mm. Mais je pense que le succès de ça, c'est vraiment dû au fait qu'on essaie de rendre l'immersion accessible à monsieur, madame, tout le monde. Quelqu'un qui n'en a jamais fait arrive, il peut payer à la porte par débit, comptant. Il peut en pré-vente sur notre site Internet s'il veut venir avant. Puis même s'ils n'ont pas de costume, s'ils n'ont même pas l'arme, ben, ils débarquent, on peut leur louer pour 5$, ça coûte 30$, bon, à la porte c'est 45, là, mais c'est 30$, fait que c'est quand même raisonnable, puis t'en as pour 3 heures là, de plaisir intense. Là. Donc, parce que c'est si accessible, puis parce qu'on a autant de thématiques, ben, on finit par rejoindre tout le monde, autant les vivants que les morts. les morts ont l'air difficiles à rejoindre, n'est-ce pas, hein, zombie? L'autre. Hey, y a un nouveau film de zombies qui sort. Là. Qu'est-ce que tu en penses du prochain film là, de l'auteur World, de je sais plus trop quoi? Là, c'est World War Z. Là, c'est pas celui qui a un adolescent zombie là, qui tombe en amour. Ah là. Oui, non, mais ça je l'ai pas encore vu. Non. Parce que j'ai eu des enfants il y a 2 ans. Fait que je suis en retard de 2 ans okay. sur les films. Mais avec mon zombie, tantôt, on en parlait un petit peu. Puis lui, qu'est-ce que tu me disais déjà? C'est excellent. Ben voilà. La preuve que les zombies ont quand même un cœur. Oui. Mais j'espère pouvoir le voir d'ici 2 ans. Il y en a un, mais ils l'ont mangé, puis c'est pas le leur. Donc, on rappelle l'endroit et quand ça se passe, tout ça? Donc, samedi 20 avril, l'arrivée se fait dès 17h. Le jeu commence à 19h, ça se termine à 22h. Et c'est aux Estacades, l'Académie des Estacades, dans le secteur Cap de la Madeleine. Donc, mais toute l'information se trouve sur herole.ca. Donc, vous consultez, si vous avez des questions, vous nous écrivez, vous nous téléphonez. C'est H-E-R-O-L-E. .ca. On prend héros et rôle, on fusionne ça, puis vous avez héros. Merge! Hein, zombie? OK. On rappelle d'écouter le zombie à la radio ce soir. Ça va être un long moment de malaise entre 17h et 19h ce soir. Ça va être bon. Les gars! Fais pas ça, le zombie. Les gars! Comme dans la pub de... Non? Ouais. Ça va brasser! Ça va brasser. Bon. Donc, merci Éric Paul Parent. C'est un plaisir. Et toujours. La petite famille. Incluse dans son nom. Je sais pas comment il fait avec ses enfants. C'est-tu le parent ou c'est pas le parent? C'est un guide, c'est-tu un tuteur? On sait pas. Et Maxime Tanguy dans le rôle des amis, merci beaucoup. Dans quelques minutes, Alexandre Carignan et la chronique de l'étendue de culture pour l'instant. C'est Chantal Archambault parlant d'un zombie, mais en fait parlant d'un zombie qui va tuer quelqu'un et l'autre va tomber frêle. C'est le nom de la chanson, tomber frêle. Les gars! Ton fusil braqué à mes flancs. Succombé à tes apports. J'ai craqué le bon biscuit chinois me dictant d'épouser tes bras. Je retiens mon souffle en quittant le bord de ta porte. Et j'agrippe à moi ce tronc plein d'envie de toi. Pour tenir tout ce temps avant que mon corps puisse s'étendre à toi. S'éterniser doucement. Tout soir, tu j'agrippe à moi ce trop plein d'envie de toi pour tenir tout ce temps avant que mon corps puisse s'étendre à toi, s'éterniser doucement. Je retiens mon souffle en quittant le bord de ta portée. J'agrippe à moi ce trop plein d'envie de toi pour tenir tout ce temps avant que mon corps puisse s'étendre à toi, s'éterniser doucement. Tombé frêle de Chantal Archambault à Assemblage requis. Arrête de grignoter un bras. Ouais, ben c'est Maxime hein, qui m'a laissé un petit snack là, pour finir la journée. Hein, mm-hmm. C'est toujours pratique. Mm-hmm. Collation de 9h. Mm-hmm. Donc, vous êtes toujours à Assemblage requis. Il nous reste encore une quinzaine de minutes à l'émission. Alexandra Carignan s'en vient avec le temps d'une culture. Ce sera vraiment pas trop long. Vraiment pas. Là. Juste assez de temps pour aller entendre une chanson. Ben oui, il faut rester là. Hein? Faut rester là. Faut rester là. Ben, c'est pour ça qu'on vous offre une pièce de Hello Chance. Ah ouais? Oui! Vidéo sur le back door. On écoute ça. Et après ça, on parle d'art et spectacle. Parce que ça manque d'envie, ça. Faut savoir quoi faire à Trois-Rivières. Door. Mais il me semble qu'à l'habitude, la porte d'en arrière, c'est plus Uranus que Venus. Uranus. Voici Alexandra Carignan et le temps d'une culture. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Tout excité, oui. Ben, toi, t'as l'air en forme, t'as l'air d'avoir des beaux écouteurs rouges. Moi, j'ai des écouteurs rouges le matin, c'est sûr que ça va bien. T'es chic, hein? Je te disais que la qualité sonore devait pas être diable là-dedans, mais finalement... Non, mais elle est tellement bonne, là. Tu sais pas à quel point. Sérieusement, là, je vous le dis, là, c'est des écouteurs qui valent 40$ quand même. Ils m'ont pas coûté ça. Non. Mais merci à une chaîne de magasins... W. C'est des écouteurs qui sont de couleurs différentes, comme des mauves, des verts, oui, des mauves, des verts. En fait, moi, j'ai pris les derniers roses rouges. Hein? Vous en avez plus. Oh. Mais il reste des verts. Ma sœur a pris des mauves. Voilà. Bah. On s'est dit, en fait, on va prendre deux couleurs différentes. Comme ça, personne ne se trompe. Mais si on est tanné, on va pouvoir s'échanger les couleurs. Uh-huh. Parce qu'on va se le dire, là, faire matcher ses écouteurs avec son linge. Pour une fille, hein? Pour une fille, c'est important. C'est très, très difficile, tout ça, là. Vu que chose de Jean-Philippe a perdu ses écouteurs, chose fait voler, chose d'où là. Ouais, c'est fait voler, il va pouvoir aller s'en chercher des l'autre qui anime avec moi. Là. Des jaunes ou des ouais, toi là. Ouais, toi. Des verts. Ouais, peut-être. Je pourrais essayer aussi des pommes. Des verts des pommes. Des kiwis des hommes, toi. Donc on parle d'art et spectacle avec Alexandra Carignan. Eh oui, on a deux volets à la chronique comme de bientôt deux semaines. Deux semaines prochaines, en fait, depuis quelques semaines, on fait ça. Premier segment, c'est qu'est-ce qui se passe en Mauricie. Ouais. Et deuxième segment, c'est si seulement. Alors, on va commencer avec le premier segment. Je vous parle de deux choses. Premièrement, d'un lieu historique à visiter et deuxièmement, d'une place à être ce soir et demain. Okay. Oh. Alors, premièrement, en fait, le printemps est arrivé et avec ça, les périodes d'ouverture de certains sites historiques qui ferment l'hiver. C'est le cas du manoir Boucher de Niverville. Donc, celui qui était au centre-ville, sur la rue Bonaventure, en face du Zénobe, pour les poètes maudits qui nous écoutent. Alors, juste en face, on a le manoir Boucher de Niverville, qui est le plus vieux bâtiment de Trois-Rivières qu'on retrouve encore aujourd'hui. Le plus vieux, number one. Le plus vieux. Il a été bâti en 1730. Pour le Québec, c'est vieux en tabarouette. Ouais. Mm-hmm. Alors, je vous rappelle la guerre des plaines d'Abraham. En fait, la bataille, elle est en 1759. Alors, c'est avant, c'est durant le régime français. C'est pourquoi c'est le seul bâtiment qui reste, ou presque. Le feu qu'il y a eu, je m'imagine. Exactement, ouais. Le feu de 1908 qui a complètement détruit le centre-ville de Trois-Rivières et plusieurs de ses monuments historiques. Triste. Au moins, il nous reste le manoir Boucher de Niverville qui présente, en fait, une exposition sur la vie bourgeoise en Nouvelle-France. Donc, on a dans notre tête quelqu'un de bourgeois, là, si on n'est pas en histoire, évidemment. Et on pense tout de suite à Versailles, la noblesse, ainsi de suite. En Nouvelle-France, c'est pas vraiment ça. La bourgeoisie, elle est quand même un peu pauvre. C'est sûr qu'elle est riche tout de même, là, une maison par à deux étages. Par comparaison. Par comparaison, effectivement. Écoute, elle a des foyers dans chaque pièce, ce qui prouve qu'elle est beaucoup riche, parce que plus t'as de foyers, plus faut chauffer. Plus faut t'achètes de bois. Plus ça coûte cher à Hydro-Québec en 1700, quelque chose, j'imagine que c'était... Exactement, oui. Hydro-Québec, présent depuis 1700, oui. Mais avant, ça s'appelait Bio-Québec, tu sais, c'était des bûches. Ah, bio comme un bio. Comme un bio de drôle. Bois. Oh, ben, ouais. Trop. Correct. OK. Puis le Québec n'existait pas, mais ça s'appelait quand même Bio-Québec. En fait, la ville de Québec... La ville de Québec existait, excusez-moi. Ouais. Durant le régime anglais, ça va devenir Province of Québec. Je parle d'histoire. Hein, on va... Bref, vous pouvez aller visiter le manoir Boucher-Niverville. C'est gratuit. C'est un beau site à Trois-Rivières. C'est vraiment magnifique. Là. Il y a les poutres d'origine. Ce sont les pièces aussi d'origine à l'époque. C'est sûr que le bâtiment a éventuellement subi des transformations. Comme tous les bâtiments. Comme tout bâtiment. Mais on a vraiment là, les pièces d'origine. Le deuxième étage qui est tout petit, qui fait chaud. C'est vraiment un bel endroit. Et l'exposition vous permet de voir comment qu'on vivait à l'époque en étant bourgeois. Donc, en fait, celui qui possédait le manoir, le Joseph Boucher-Niverville, il s'est marié avec la fille de Pierre Boucher. Donc, pour ceux qui connaissent... Le pavillon Pierre Boucher, l'UQTR! Il s'est marié avec le pavillon. Il s'est marié. Ouais. L'objectum, ouais. C'est que je suis pas un problème. Ouais. C'est ça. Mais bref, c'est la noblesse. C'est beau. Une belle exposition. Il y a aussi une exposition concernant le Collège La Pêche qui a fait des fouilles historiques. En fait, des fouilles. Historique, c'est niaiseux, là. Des fouilles, c'est historique. C'est pas pareil, ouais. Des fouilles archéologiques. Okay. Sur les sites de Trois-Rivières, ils présentent leurs trouvailles. Ils ont fait une petite exposition sur les métiers en Nouvelle-France en lien avec ce qu'ils ont trouvé dans les fouilles. Fait qu'on voit, en fait, ce qui se trouvait dans la terre de Trois-Rivières. Mmh. Ça vaut la peine. Le manoir Boucher de Niverville, donc sur la rue Bonaventure. Je vous donnerai pas l'adresse parce que je la connais pas, mais c'est pas difficile à manquer. La rue Bonaventure, elle n'est pas très longue. Puis spotter le plus vieux bâtiment du régime français. Mais souvent, c'est écrit les dates de création des bâtisses. Sur la bâtisse, c'est souvent écrit genre 1800 quelque chose, des fois. En fait, sur les églises, ça va souvent comme ça. Ou les immeubles qui date de 1900, le début 1900. OK, OK. Fin 1800. Tu sais, tu verras pas un bâtiment à trois étages marqué 1730. Ça n'existe pas. Okay. C'est vraiment vers la fin du 19e siècle, vers 1850, qu'on va commencer à marquer les années en haut des bâtiments. Je trouve ça intéressant comme idée. Je trouve ça cool. Oui. Ben, en fait, c'est pour... des fois, on les nomme aussi. Là, sur la rue Saint-Maurice, là, il y a, mettons, l'édifice... en fait, je pense que c'est au centre-ville, il y a l'édifice Badeau. Okay. C'est potentiellement, ils ont ensuite nommé la rue en ce nom-là. Ouais. Ben, c'est la personne qui a payé pour le bâtiment ou ainsi de suite. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Au centre-ville, on en retrouve beaucoup parce que le centre-ville a été bâti en 1809, 10, okay. 11. Parce qu'il a passé au feu en 1908. Ben oui. Et voilà. Donc à cause d'un feu de paille. Je me rappelle de ta chronique. En fait. Moi, je me rappelle de ta chronique. Ben oui, c'est vrai. Hein? La chronique sur la fresque. Ouais. Ça revient dessus, ça? Ça va revenir. C'est pas moi. Hein? Ben non, parce que maintenant, je suis rendu guide au manoir Boucher-les-Vergers. Ah oui! Alors, je ferai plus la fresque, mais c'est sûr que ça va être bon pareil parce qu'elle va être là. Cool. Donc, cet été à Côte. À la Côte plus fine. Ouais, à Côte aux fesses. Et voilà. Alors, manoir Boucher-Niverville ouvert tous les jours de midi à 5 heures pour la période printanière. Durant l'été, là, et on a des heures d'ouverture un peu plus grandes, soit de 10 à 6. Oh là là! Mm-hmm. Aïe, aïe, aïe! Aïe, tous les jours de la semaine. Hein, on ne prend pas de congé. Nous autres, on est vaillants au travail. Oui. Alors, c'était ça pour la chronique historique. Donc, quoi visiter à Trois-Rivières? C'est gratuit. Amenez votre pétou là-bas. C'est bien beau. Vos deux fesses. Comme la côte. Comme la côte. Exactement. Pour ce qui est de quoi faire cette semaine, eh bien, c'est bien simple. Il y a deux ligues d'improvisation à Trois-Rivières et elles sont en demi-finale et en finale. Donc, ce soir, à la Luître, c'est les Bleus qui affrontent les Rouges pour la finale. Donc, à savoir qui va avoir la Perle, qui est le trophée de la Luître. Et là, drôle de chose, c'est que l'équipe des Rouges, c'est l'équipe d'Alexandra Carignan, ici présente. C'est moi, ça. Mais les Bleus, c'est qui? C'est Maxime Tanguay. C'est Maxime Tanguay, c'est mon copain. Ah, en fait, chose intéressante, il y a trois coupes qui se battent à soir. C'est vrai, hein? C'est vrai. Hey, ça sort, ça s'étend, multiplie les petits lapins, ça fait. Ben oui. Ouais, on est trois coupes à se battre. C'est qui les autres coupes? Je les porte. Ben, il y a moi, Maxime. Il y a aussi Jean-René Boutin et Camille Tremblay-Lancette. Wow. Et il y a aussi nouvellement Étienne Villeneuve et Élodie Mongrain. Ah, ah ben! Oh ça va faire des mauves, ça? Alors, ça va faire... Oui, je suis pas très bon en couleur, mais... Effectivement, ça fait un petit violet. Un petit violet. Alors, ce soir, à la Chasse Galerie, si vous voulez aller voir sur l'événement, mon équipe a fait un call-out hier soir. Alors, on a mis au défi les Bleus. C'est un beau petit vidéo d'intimidation. Ah, du bullying! Toi, ça va jouer à TVA, ce soir-là? On a fait du bullying. Alors, vous pouvez aller voir la vidéo sur... En fait, moi, je l'ai mis sur ma page, mais on va le retrouver sur le site de l'événement, mais aussi sûrement sur le site de la Luître. Alors, l'événement, il est ce soir à la Chasse-Galerie, 20h. C'est gratuit. Arrivez tôt, parce qu'au final, il y a du monde en tabarouette. Hey, imaginez si les demi-finales, les quarts de finale, les ci, les ça, les matchs normaux sont tellement drôles. Imaginez une finale entre ces deux équipes-là. Ça va être Sincèrement, ça va être une bonne finale, parce qu'on est deux équipes avec qui on s'entend bien en jeu. Chimie. Fait qu'au pire, même si, mettons, on se fait battre à plat de couture, je sais qu'on va faire quand même un bon match. Ouais. Fait que ça, c'est intéressant comme vision. Mais alors, la semaine passée, excuse-moi, je n'arrête pas de t'interrompre, mais tantôt, la semaine passée, tu disais, tu sais, c'est mon dernier match, tu sais, ce soir, c'est sûr que je gagnerai pas, c'est super défaitiste comme attitude, hein, n'est-ce pas? Ben écoute, la semaine passée, là, on se battait contre les Verts, qui est l'équipe la plus agressive. Alex Drouin, entre autres, et Dave Bellé, entre autres. Oui, aussi. Alors, puis en fait, on s'est fait battre à plate couture en première. Je pense qu'on a gagné juste deux improvisations. Okay. On a remonté mon homme. Mais je pensais, quand que l'arbitre finalement a dit c'est une prolongation, je n'en croyais pas mes oreilles parce que j'étais certaine qu'on se faisait battre par 2-3 points. Mais en même temps, tu sais, moi, avec mon équipe, là, ça me dérange pas de perdre. Parce que je l'aime, mon équipe. On se fait du fun. Puis on est le genre d'équipe que même si on se fait battre, on va quand même faire notre game, puis on va se foutre de... Ouais. Même si on se fait écraser. Fait qu'en fait, moi, c'est quelque chose qui me dérange pas de perdre avec mon équipe. Mais tu vois, là, vous avez gagné parce que vous étiez vraiment, vraiment fort la semaine passée. Peut-être qu'en se disant que vous alliez perdre, vous avez quand même donné le paquet pour vous divertir, avoir du fun, puis ça a fait que vous avez gagné. Bravo. Ça fait que... Oui, je pense qu'à la fin, on a fait « Bon, ben là, on est sûr de perdre. On est tous prêts à faire du fun. » Ouais. Et voilà, ça a marché. Ça a marché. Alors, ce soir, ça va être le final. On va aussi avoir les prix à la suite, le prix du Gala Mollusque. Oui. Alors, joueur constructeur, joueuse de l'année et ainsi de suite. Good. Pour ce qui est de demain soir, c'est la Lime. Je regarde le temps, puis j'aurais peut-être même pas le temps de faire mon 6 seulement. Mais pour ce qui est de la semaine prochaine, demain, il y a la Lime, mardi soir, à la salle Louis-Philippe-Poisson. C'est la première demi-finale, donc les Bourgognes contre les Jaunes. L'équipe gagnante va se rendre en finale, la grande finale de la 30e saison de la Lime, quand même. Ouh. Ça fait 30 ans qu'on est là. Alors, les Bourgognes, c'est moi. Oh. Rouge, bourgogne, tu t'en tiens tout le temps dans les mêmes teintes. Ben ouais. Moi, ça me va bien, écoute. J'ai pas besoin de refaire ma garde-robe d'impro. Parce que oui, j'ai une garde-robe d'impro. Ah oui? Oh. Alors, ben oui, mais il faut s'habiller. Faut en conséquence, texte, là, oui. C'est ça, c'est bon. Fait que demain soir, à la salle Louis-Philippe-Poisson. Ça aussi, c'est un très bon match. C'est sûr que c'est moins... C'est pas moins dynamique. C'est moins barre que la Luitre. Ouais. Mais c'est plus théâtral, on l'a dit souvent. Oui, c'est plus théâtral, mais c'est on fait quand même des blagues, là. Puis en fait, le trois quarts du temps, les gars finissent en chest, là. Oui, c'est du slapstick, puis des jokes de pets, là, puis etc. C'est ça. Hein, oui. C'est pas parce qu'on est dans une salle un peu plus théâtrale qu'on fait pas des jokes de pets. Pas parce qu'on est dans une salle qu'on n'est pas obligé d'être pas être sale. Oui, bien dit. Pas vraiment, mais quand alors, c'est demain soir à la salle Louis-Philippe Poisson. 5 $ étudiants, 6 $ adultes. Ça vaut la peine, ça va être bon en tabarouette. Yes. Est-ce que j'ai le temps de faire mon... Garde-toi, okay. On a parlé de gestion du stress dans l'émission aujourd'hui. Là. Stress pas pour des niaiseries comme la casera, il n'y a rien à nous autres. Bon, parfait. Alors, j'ai un petit segment d'habitude qui s'appelle « Si seulement ». Alors, « Si seulement j'étais une redneck ». Ah ouais. Encore du rouge! Encore du rouge! Ouais. Je suis prédestinée, ouais. Il y a plusieurs personnes qui me connaissent et qui savent que, bon, j'écoute plein de bonne musique, genre Louis-Jean Cormier, Mauve, des trucs un peu plus... Underground indie. Mais j'ai un énorme côté quétaine, genre Jonas Brothers, Anna Montana et One Direction Anna particulièrement. Hey, j'ai tous ces CD. J'ai même le spectacle live 3D, là, ils donnaient les lunettes avec. Je l'ai. Ça va faire. Écoute, c'est bon, moi j'aime ça. Alors, un de mes côtés quétaines, c'est la musique country. J'aime beaucoup la musique country américaine. Hein. Là, les petits Québécois, ils me titillent un petit peu là, avec le canaille. Lisa Leblanc, Bernard Adamus. Moi, c'est ce que je trouve le nouveau country. Là. Country folk, en fait. Country, présente-moi pas Patrick Normand, parce que j'ai plus ou moins aimé ça. En même temps, c'est une question de goût. Ben oui. Mais moi, je suis vraiment attirée par le country américain. Et j'ai fait une découverte, il y a tout cela environ un an, d'un artiste qui est tout jeune, qui est né en 91, donc il a 21 ans. Il s'appelle Hunter Hayes. Écoute, cet homme-là, là, moi j'ai 23 ans, là, puis j'ai pas accompli... un dixième là, de ce qu'il a fait. Il a sorti un album en 2011 qui est son album éponyme et qui sur lequel il fait tous les instruments. Et là, quand je dis tous les instruments, c'est de la guitare au banjo, au drum, à la bass. La cuillère. Il n'y a pas de cuillère. Non. Mais, alors, c'est un prodige musical. Il est beau en plus, comme un cœur, ce petit jeune-là. Comme un cœur. Il a l'air fin en plus. Oh. Et en fait, lui, dès l'âge de, je pense, 3 ou 4 ans, là, il allait dans les festivals en Louisiane. Là, c'est la culture. Mm-hmm. Ah, excuse-moi, j'aimerais citer. On aimerait ça t'aider, mais. Ouais. Maudite affaire. Le festival en Louisiane de musique. Oui, ben, c'est la musique Cajun. Cajun. Voilà, Cajun. Oui, c'est une sorte de pinotte. Oui, c'est une sorte de pinotte, oui. Festival de la pinotte de Cajun c'est en Louisiane. Ça, ouais. C'est connu. Alors... Excusez, ça m'a pas décroché. Eh bien, lui, à l'âge de 4 ans, il jouait son harmonica en chantant des chansons. Hmm? En fait, non, pas son harmonica. Son le truc, là, qui... Accordéon. Aïe, là, tu l'as eu. Aïe, merci. Hein? Ah, là, j'étais vite là-dessus. Alors, écoutez, je vais vous le faire écouter. C'est super country, là. C'est du country, là. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, je vais peut-être mettre le vidéoclip sur Assemblage Rocky. OK. On voit je vais l'effacer son... ensuite. Parce que... je vais le mettre en mon nom, là. En fait, ce qu'on voit sur le vidéoclip, ce qui est intéressant, c'est la chanson que je vais vous mettre, ça va être Storm Warning. Et sur le vidéoclip, on voit lui qui fait tous les instruments. Et c'est lui qui écrit toutes les chansons, qui a tout fait, en fait. Là. C'est vraiment intéressant. Il est bon. Il a une belle voix, même si on n'aime pas la musique country, en fait, ben, ça peut pas, c'est pas mauvais. Là. Alors, je vous présente Hunter Hayes avec Storm Warning. Ah oui, la pinotte. Sundress hotter than the heat in July. With her wind-blown hair, it just wasn't fair the way she was blowing my mind. Have you ever noticed every hurricane gets its name from a girl like this? She's a cat five kind, keeps you up at night, hanging on to the end of a kiss. She's a beautiful miss. Yeah, the kind you love to love, but what happens next? I got a feeling when the sun comes up, I'm gonna wish I had a storm. I'm gonna wish I had a sign. I'm gonna wish I had a little heads up, little leeway, little more time. and you're burning your wheel somewhere between going and gone. You get so lost that you can't turn it off. You give in and you just turn it on. She's a heart full of red, red lips like a flame. She's a girl from your favorite song. What a beautiful mess. One part angel, one part perfect, one part brick. The kind of love you'll never forget. I'm gonna wish I had a strong morning. I'm gonna wish I had a sign. I'm gonna wish I had a little heads up, little leeway, little more time. Some kind of radar system locked in on love. I got a feeling by the time the night finds the morning, I'm gonna wish I had a storm. I'm gonna wish I had a little heads up, a little leeway, a little more time. Some kind of radar system locked in on love. I'm gonna wish I had a strong morning. I'm gonna wish I had a sign. Hey, moi j'aime ça. La finale. Alexandra qui est debout. Je chante là. C'était Hunter Hayes avec Storm Warning. Mais moi, là, quand l'été arrive, je suis pas capable de résister au country. Tu baisses les fenêtres. Ben oui! Tu mets la radio dans le Écoute, fond. Surtout celle-là, là. Gonna wish I had a store! Hey, t'as la repart, la remet là, là. Oh, okay. Écoutez, ben moi, j'aime beaucoup le country. Si vous avez aimé ça, tant mieux! C'est pas affreux, ça! Ça se peut que vous n'avez pas aimé ça. Écoute, moi, je sais que j'ai un côté qui est assez profond. C'est assez. J'ai pas réussi à. Ma mère, elle aime ça. C'est la seule personne dans mon entourage que j'ai réussi à faire aimer, tu sais. Mais écoutez, c'est vraiment bon. J'aime ça, le country. Il y en a plusieurs. En fait, il y a plusieurs tranches de country, là. Le country n'est pas juste estival, il y en a aussi du hivernal, là, de Civil Wars. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un peu. C'est très, très, très. En fait, c'est deux guitares, là. C'est effectivement très hivernal, mais j'aime beaucoup le petit country estival, là, comme ça. Alors, printanier, si seulement, il va bientôt faire chaud. Oui. Si seulement j'étais une redneck. En fait, je pense que je le suis un petit peu. Un petit dans peu. Dans mon cœur musical, je suis une redneck. Et voilà. Voilà. C'est dit. Et c'est dit. Et c'est assumé. Et voilà. C'est assumé, c'est l'important, c'est ça. Donc, Hunter Hayes est le nom du gars, du dude, encore une fois. Allez voir des photos de lui. Yes, bien. Ben allez voir les vidéos, en fait, oui. C'est vraiment intéressant. Sur sur la page de Facebook Assemblage Rocky. Oui, je vais le mettre. Merci, Alexandra. On se retrouve dans deux semaines. Dans une semaine, on se retrouve. Dans une semaine. Je suis là toutes les semaines. Là, tout le monde est tellement aux deux semaines que je suis rendu avec le beat de dire aux deux semaines. Je suis une fidèle présente. Mais on l'apprécie. Donc, lundi prochain à 8h30. Oui. Voilà. Merci, Alexandra. Nous, on va terminer l'émission ici. On va se retrouver demain entre 7h et 9h. Demain à l'émission, on a des gens sympathiques pas mal hein, pour nous combler notre beau petit 2h. Mm-hmm. On va avoir une nouvelle chroniqueuse qui va commencer demain. C'est Marie-Laurence Audet. J'ai hâte d'entendre ça. Oui, c'est de l'Observatoire québécois du loisir. On a Michel Lebrun, comme toujours, les mardis, avec la chronique Panier Salade. Et puis Kiwan, en cavale, en direct de l'Alberta, sera avec nous à 8h40. On remercie Alexandre Carignan. Il y a aussi Simon Fitzbé, Véronique Mire, Éric-Paul Parent et Maxime Tanguay qui ont participé aussi à l'émission d'aujourd'hui. Oui. Merci. Merci à toi, Jean-Philippe. Merci à toi, Mathieu. Toujours un bon matin avec toi. On a eu du fun aujourd'hui, je pense. Oui. Ouais. Moi, si j'étais toi... Et moi-même étant moi-même, j'étais moi. Uh-huh. Je resterai à l'écoute pour écouter le Dîner de cons à 11h uh-huh. avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, ce sera Connaître ensemble, l'émission pour tout savoir sur la périnatalité. Je serai de retour avec Stéphanie Paradis pour la rediffusion des Palmarès C'est fou entre 14h et 17h. À 17h, c'est Maxime Tanguy qu'on a reçu tantôt avec l'émission En deux périodes, en compagnie de Jean-René Boutin. À 19h, le voyage insolite et 20h, rock de neurones avec du rock progressif. Allez voir le cif.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission, les balades ou diffusions. Facebook.com/AssemblageRequis, Twitter.com/AssemblageRequis. Bonne journée, j'en fais. À demain! À demain!